Amen. Nous allons prier également que durant ce moment de jeûne, les frères et sœurs qui sont avec nous en esprit dans le monde entier, dissimulés partout où le Seigneur les connaît, que le Dieu bienheureux puisse se révéler aussi à eux et qu'il les utilise comme il le veut. Souvenez-vous, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dissimulés dans le monde entier. Et ce que le Seigneur veut faire, ce n'est pas juste ici. Donc prions que Dieu les fortifie et qu'il se révèle à chacun d'eux et à chacune d'elles qui se consacrent sincèrement à lui dans le jeûne et dans la prière pour chercher sa face. Prions. Ceux qui sont avec nous en esprit, disséminés partout dans le monde. Nous prions, Seigneur, afin que Seigneur se révèle à eux pendant cette période de jeûne, Seigneur Jésus. Seigneur, que chacun puisse saisir, ô Dieu de grâce. Seigneur Dieu de grâce, pensez pour eux. Seigneur, que chacun voit de gloire Dieu a fait. Seigneur, puisse, Seigneur Dieu de grâce, recevoir la révélation. Que tu te révèles, Seigneur, à chacun, Dieu de grâce, de ceux-là qui ne sont pas ici avec nous, Seigneur, dans la chair. Mais Seigneur Dieu de grâce, dont nous communions en esprit, Seigneur Jésus, avec eux. Nous prions, Seigneur, afin que tu te révèles à chacun, Seigneur Dieu de grâce. Chacun d'eux, Seigneur Jésus. Chaque personne voit de gloire, Seigneur, afin que chacun puisse saisir, Seigneur de grâce, ce que tu attends de lui, Seigneur Jésus. Nous prions, ô Dieu de grâce, avant que tu donnes de la persévérance, ô Dieu de grâce, pendant cette période. Et que, Seigneur, que tu te révèles à chacun, Majesté. Seigneur, d'un te révéler à chacun, Majesté. Et que chacun voit de gloire, Dieu parfait. Seigneur, puisse se disposer pour se mettre à l'œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Selon, Seigneur, ce que tu auras prévu pour chacun d'entre nous. Seigneur, pour chacun d'eux, au nom puissant, Seigneur Jésus Nazareth. D'un te révéler, Seigneur Dieu de grâce, nous t'en supplions. D'un te révéler, Seigneur, à chacun roi de gloire, Dieu parfait. Selon ton bon plaisir, Seigneur, selon ce que tu auras prévu, Seigneur Jésus Nazareth, dans ton plan. Au nom puissant, Seigneur Jésus Nazareth. Viens le faire, roi de gloire, Dieu parfait. Nous prions, Seigneur Jésus Nazareth, d'un éloigne de grâce, tout ciel des distractions, Seigneur Jésus Nazareth. D'un éloigne tout ciel des découragements, ô Dieu. Et je donne à chacun d'être persévérant et patient dans cette entreprise pendant cette période. Au nom puissant, Seigneur Jésus Nazareth. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Veuillons nous asseoir, bien-aimés, dans le Seigneur. Veuillons nous asseoir. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de toute grâce, vous bénisse et vous comble de toutes ses bénédictions. Deigne saluer quelqu'un dans la salle si tu penses que c'est ta soeur et c'est ton frère. Et si tu sais que c'est une seule personne qui est ton frère ou ta soeur, salue une seule personne. Si c'est deux personnes seulement qui est ton frère ou ta soeur, viens saluer. Et si tu penses que ton frère ou ta soeur va venir te saluer là où tu es assis, assieds-toi là-bas, il vient te saluer. Si tu vois que ton frère ou ta soeur va venir te saluer là-bas, que tu es la première dame, il n'y a pas de problème, assieds-toi. C'est mon problème. Les femmes qui sont assises, soit elles sont enceintes, soit vous prophétisez dans leur vie qu'elles doivent être enceintes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ça va? Si quelqu'un ne se lève pas, c'est que c'est la première dame. Donc, si quelqu'un se lève pas, ça lui vous dit que c'est la première dame. Tu es la première dame. Ça va, mon premier. Ça va, mon frère Jimmy. Que le Seigneur te bénisse. Donc, finalement, personne n'est la première dame ici. Non, il y a une seule première dame alors. C'est maman Véro, soit elle est enceinte. Soit maman Véro est enceinte. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Wow. Oui, ma mère de gloire. Donc, je crois que le Seigneur nous a donné un bon climat pour prêcher, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse sonder encore les Écritures. Le Seigneur nous a donné un bon climat. Donc, il ne fait pas trop chaud aujourd'hui. N'est-ce pas, frère? Vous avez remarqué que le frère est toujours là-bas, n'est-ce pas? Quand il veut parler, vous allez dire qu'il parle toujours. Remarquez, c'est sa place là-bas. C'est pas ça, hein? Regardez, vous-même, regardez comment ils sont serrés là-bas, regardez. Et il y a les chaises vides, voilà les chaises vides là-bas, les chaises vides partout. Le frère Roland a dit qu'il ne quitte pas à côté de sa femme. Ça va, mon frère bien-aimé? Que Dieu vous bénisse. Donc, je sais que c'est parti pour 21 jours de jeûne pour les uns, 30 pour les autres, et peut-être plus pour les autres, certains encore. Et pour ceux qui ne sont pas dans le jeûne, que Dieu vous bénisse quand même. Vous savez, quand il était en Israël, pendant qu'il marchait, il a dit que la femme est venue jusqu'à dire que les chiens, même, on peut, les chiens même peuvent manger ce qui tombe de la table des enfants. Donc, vous pouvez arracher également les vôtres comme ça. Mais souvent, nous voulons marcher dans la volonté parfaite du Seigneur. Amen. Nous voulons marcher dans la volonté parfaite du Seigneur. Donc, il y a plusieurs personnes dans le monde entier. Dans le monde entier qui désirent communion avec nous. Mais on n'a pas besoin de communion physique. Quand on est loin, on a besoin de communion spirituelle. Ça veut dire que nous soyons tous dans le même esprit, n'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, les frères, si on commence à citer, ça sera... les frères de Ziganchor, Dakar, Mani, aux Philippines. Les frères de Antananarive, de Fianananansu, au Madagascar. Les frères, frères et sœurs de Ketnekit, aux États-Unis, de Maryland, vous saluez. Au Canada, Antananarive, Ottawa, Québec, tous vous saluez. Dakar, regarde-moi bien ma fille, regarde-moi bien. Elle dit que c'est juste des garçons qui parlent bien comme ça. D'où est-ce qu'ils sont? Vous voyez comment tout le monde est dans l'assassinat. Moi, c'est qu'elle regarde. Faire ces choses-là ne force pas, c'est naturel. Ouais. L'enfant sent, c'est quelque chose qui est dans la présence du Seigneur. Mm-hmm. Et bien. Donc, les frères Canada, États-Unis, Amérique, tous vous saluent précieusement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunisie, en Afrique, ici, au Maroc, partout, Burkina Faso, Congo, Brazza. Ceux du Tchad également, tous vous saluent. Donc, ils vous transmettent de façon officielle leur salutation. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est parti pour 21 jours, donc pour les uns, comme je dis, et 30 jours pour les autres. Durant ce moment, attendons-nous vraiment au Seigneur, n'est-ce pas, frère? Amen. Mais je tente de regarder cette nuit, si vous dites quelques-unes des choses qui sont arrivées. Le 21 jours que nous avons pris la dernière fois, Dieu nous a amenés à un niveau. Et ce qui a été dit, c'est que c'est un long processus qu'on ne sait pas à quel niveau ça va nous conduire. Mais en fait, la vie chrétienne, même particulièrement pour ces fins de temps, c'est normal. C'est la vie des jeûnes et des prières. Il a dit que la fin de toutes choses est proche. Il dit quoi? Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Je crois que c'est ce que nous avons dit ici dans un enseignement, que nous sommes ceux qui sont sages et sobres, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on doit vaquer à la prière. Donc, pendant les 21 jours déjà, il y a des soeurs, vous savez, quand Dieu montre les choses, il y a des gens qui disent chaque fois comme Gédéon, ou bien comme des frères, vous savez, chaque fois quand le Seigneur se révèle à quelqu'un dans l'Ancien Testament, ils disent que moi, je suis moi qui ici dehors, ma famille est qui ici dehors, qui suis-je pour que Dieu puisse me parler? Il y a une soeur particulièrement au Canada, je causais avec elle, ça ne fait pas une semaine, elle dit que frère, prie pour moi parce que Dieu ne me parle pas. Il dit, tu es sûr que Dieu ne te parle pas, ma soeur? Il dit que oui, il dit pendant les 21 jours, tu as fait avec nous, non? Il dit oui. Dieu ne t'a-t-il pas parlé? Vous savez, s'il y a une révélation durant ce moment de jeûne, c'est cette soeur-là qui a eu. Il dit c'est une révélation merveilleuse. Durant les 21 jours de jeûne précédents, c'est elle qui a eu. Mais elle avait gardé. Parce qu'elle a jugé, elle, que ce n'est rien. Elle dit que pendant les 21 jours de jeûne, elle a vu une seule chose que Dieu lui a montré. Bon, elle n'a pas dit que c'est Dieu qui lui a montré. Elle dit qu'elle était quelque part, subitement la terre s'est ouverte, boum! Les gens sortaient de la terre avec les cornes. Bizarre! S'avançaient comme ça là, se dirigeaient vers les enfants du Seigneur, vers le rassemblement des enfants du Seigneur. Et lorsqu'ils voulaient entrer, ils appuyaient les cornes, tout ce qu'il y avait sur eux de mauvais. Ils portaient les bons habits, entraient au milieu des enfants de Dieu. Vous voyez cela? Entrer au milieu des enfants de Dieu. Et quand ils entraient, il lui demandait que dans ce songe, quand tu as regardé, qu'est-ce qui se passait? Quand ils entraient au milieu des enfants de Dieu, qu'est-ce qui se passait? Il dit qu'ils occupaient des grandes positions. Donc quand ils entraient au milieu de l'église, ils arrivaient jusqu'au niveau où ils occupent les grandes positions. Il dit dans ce songe, quand tu regardes, est-ce que les gens qui étaient au milieu semblaient remarquer? Il dit non. Elle était dans, chaque fois qu'ils entraient, elle pouvait voir en même temps comment la terre s'est ouverte, comment les gens sont sortis de la terre et comment ils se dirigeaient. Donc elle était en même temps comme si elle était en même temps omniscient. C'est-à-dire qu'elle pouvait voir là-bas. C'est comme ça dans les visions. Alors elle s'est tenue là-bas, elle a vu au milieu comment les gens chantaient, adoraient. Ils chantaient, ils adoraient avec eux. C'est terrible. Alors elle dit, ils étaient au milieu. Personne ne semblait remarquer leur présence. Ils n'avaient pas d'habillement différent des habillements de ceux des enfants du Seigneur. Mais précédemment, elles sortaient, la terre s'est ouverte, ils sont sortis de la terre avec des cornes bizarres. Vous savez, ces créatures bizarres qui rentrent quand si tu vois sa présence. Mais en arrivant, il dit que ce qu'il a marqué, c'est qu'en arrivant, là où il franchissait, là où il y avait les rassemblements, il faisait comme ça là. Les cornes entraient. Le visage devenait comme pour un être humain normal. Ils entrent au milieu de la foule. Ils chantaient et ils occupaient les bonnes positions. Qu'est-ce que Dieu est en train de montrer au milieu de l'église? C'était beau. Vous voyez que j'ai raison de dire que la chose la plus merveilleuse de ces 21 jours de jeûne passé, c'est à elle que Dieu a montré, n'est-ce pas? Et c'est tout au Canada. Mais elle dit que Dieu parle. Frère, prie que Dieu me parle. Et Dieu lui a parlé. Et un enseignement, bref, enseignement que j'ai mis sur Internet parlant des messages aux fondateurs d'églises et des ministères, parlant de cela. Donc, faisons attention dans ces moments de jeûne et de prière, parce que Dieu cherche déjà à qui donner des directions. Et pendant qu'il est en train de prier, aujourd'hui particulièrement, subitement, je me suis mis à genoux. Mon épouse, c'est depuis le matin, depuis même hier soir, il dit, j'attends la direction du Seigneur pour qu'il me dise ce dont on va parler. Je ne comprends rien. Rien. On mange, on sort, on mange. Je suis dans la maison, je parcours la maison. Essaye de sonder pour voir ce sur quoi on va parler. En quoi consiste ce moment de jeûne? Rien. Puis je me suis mis à genoux. Quand je me suis mis à genoux, elle a dit que j'arrive. Je lui ai dit, viens, on fait comme pas de prier. On a fermé la porte. Elle est sortie, elle dit que 5 minutes. Je me suis mis à genoux là-bas. Le Saint-Esprit dit, il y a des gens dans le monde qui ont subitement eu dans leur cœur la soif des actes des apôtres. Quand je suis mis à genoux, il y a des gens qui lisent les actes des apôtres, c'est-à-dire que si ces personnes m'écoutent, voici comment ça se passe. Ils disent, quand je lis les actes des apôtres, je souhaite qu'on vive cela. Mais ils ne savent pas comment faire donc pour le faire. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit a dit. Le Saint-Esprit dit, dis-leur que cette soif-là, c'est l'appel directement à eux pour vivre cela. C'est-à-dire que quoi? Quelqu'un, quand il lit les actes des apôtres, il dit, il souhaiterait que, je souhaite que Dieu fasse ça pour nous. Pour nous. Il ne sait pas que Jésus est en train de l'appeler directement à s'investir dans ce rôle-là. Ce n'est pas 2 jours, il dit, c'est tout à l'heure avant qu'on vienne, quand je me suis mis à genoux. Donc, tous ceux donc, qui ont eu à voir, voici le signe, il ne parle pas de n'importe quoi. Il faut que ce soit dans que cette partie des personnes ait vu la Bible, vu le temps des apôtres dans la Bible, n'est-ce pas? Et puis, regardant notre époque, ne voyant pas ces choses-là, et que ces genre de choses soient parlées dans son esprit, que je souhaite vraiment qu'on ne vive plus le temps des apôtres. C'est ce que c'est passé, c'est ce que j'ai entendu. On ne vit plus le temps des apôtres. Il faut vraiment, je souhaite vraiment que le temps des apôtres, les actes des apôtres puissent se manifester. Le Seigneur dit, quand ces choses-là viennent en eux, ils ne comprennent pas que c'est mon appel à eux de participer à cette œuvre-là. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que si quelqu'un a écouté que je souhaite que les actes des apôtres s'accomplissent, Dieu de nous l'appeler d'une certaine façon à une autre, à faire à ce que les actes des apôtres reviennent sur place. Souvenons-nous, nous devons être ouvriers avec Dieu. Ça doit être avec Dieu. D'accord, mes frères? Amen. Vous suivez, n'est-ce pas? Amen. Donc peut-être quelqu'un va dire, vous lisez la Bible, vous dites, ah, les apôtres, quand ils priaient, le Dieu tremblait. Quand ils priaient, ils vivaient tous en commun, ils vivaient tous en commun. Chaque personne individuellement était dans cet esprit-là. Chaque personne individuellement, dans cet acte des actes d'apôtres, était dans cet esprit, baigné dans cet esprit. Un peu comme vous avez un seau d'eau. Un seau d'eau, dans un seau. Vous prenez un grain de maïs, vous lancez à l'intérieur. Vous prenez un grain d'arachide, vous lancez dedans. Le grain de maïs, vous lancez dedans. Le grain de, vous appelez pistache, vous rentrez dedans. Tous sont plongés dans cette même eau. D'accord? Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc chacun y participait et donnait sa portion que le Saint-Esprit lui donnait de faire. C'est de ça dont il est question. Ce qu'il s'en est dit là, c'est valable seulement pour ceux dont là qui ont soupiré que le Saint-Esprit, ah, j'aimerais bien parler de ces jours comment le Seigneur parle. Souvenez-vous de ceci. Comment le Saint-Esprit parle très souvent à nous et comment Dieu parle. Je n'ai pas parlé de 3 personnes. Je n'ai pas parlé du Saint-Esprit, du Seigneur et de Dieu. Je n'ai pas parlé de 3 personnes. Pour que vous ne me confondez pas. Voilà. Donc, ceci particulièrement, ce que je suis en train de dire là, c'est valable pour ceux dont là qui ont eu à voir dans la Bible. Parce que vous, quand vous lisez la Bible souvent, vous ne savez pas comment le Saint-Esprit vous parle. Vous entendez que beaucoup de personnes entendent que la voix dise ici c'est ton verset. Vous n'entendrez pas cela. Ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Ça ne se passe pas comme ça. Ici c'est ton verset, c'est comme ça. Lorsque vous ouvrez votre Bible, vous allez lire. Très souvent, voici pourquoi vous dites Dieu parle clairement au travers de sa parole. Voici sa parole dans la Bible. Voici sa parole dans la Bible. Il a donné Genèse, ceci, jusqu'à Apocalypse. Bon, maintenant, qu'est-ce qui me concerne maintenant? Il dit dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 6, il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Et nous tous, nous savons que le pain de cellule, ça veut dire que la parole qui va nous permettre de vivre, c'est... Tu vois, te voici avec la Bible devant de toi. Laquelle des paroles te conseille? C'est une bonne question, pas vrai? Tu dis, quelle est la parole pour moi aujourd'hui, Seigneur? Donne-moi une parole de fortification. Tu fais comme ça là. Pain, tu tournes. Quand tu ouvres, tu dis repentez ou tu refermes comme ça. Pourquoi fuis cette parole-là si tu penses que c'est en ouvrant comme ça? C'est-à-dire qu'on ouvre au hasard. On n'ouvre pas au hasard. D'accord? Ce n'est pas au hasard. Même comme les philosophes disent que le hasard peut être Dieu quand il ne veut pas prononcer sa signature. La chose, c'est que vous pouvez ouvrir comme ça une fois, deux fois, vous répétez le même acte, ça ne se reproduit pas de la même façon. Ça veut dire que nous ne tombons pas sur le même verset. Pourtant, si le Saint-Esprit vous parle, tu prends l'autre Bible, il va parler la même chose. Tu prends l'autre Bible, il va parler la même chose. Tu donnes ensemble, il va parler la même chose qu'il t'a donné. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela qu'il faut que laisser que son cœur soit attiré par le Saint-Esprit. C'est ici le point. Il faut que le cœur soit attiré par le Saint-Esprit. Il ne parle pas en grondant. Très souvent, il parle, il dépose la pensée sur votre cœur. Vous savez que la pensée ne vient pas de vous. Suivez attentivement. Il dépose la pensée sur votre cœur. Vous comprenez ce que je dis? Si vous êtes comme ça, si quelqu'un dépose la main sur vous derrière, dépose bien la main sur ses frères, la voix. Tu as senti que quelqu'un t'a déposé la main sur toi? C'est exactement comme ça que ça passe, frère. Vous vous mettez à genoux tout simplement. Vous sentez donc quelque chose déposé en vous. Lorsque vous prêtez attention, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ceci. Vous prêtez attention à cette main qui est mise sur vous. Cette chose qui est déposée sur votre cœur, c'est ce que la Bible appelle que Moïse se détourna pour voir cette grande vision. Vous me suivez? Quand vous avez la vision, vous êtes en plein dans la vision comme ça. Vous êtes en plein dans la vision. Si vous tournez votre regard du point où vous allez le fixer, vous tournez vers un autre point encore, vous allez voir la même vision. Vous fermez les yeux, vous baissez comme ça, vous plongez votre tour de tête dans l'eau, vous allez voir la même vision. Parce qu'on ne voit pas la vision avec vos yeux, mais c'est avec les yeux de l'esprit. Et dans les yeux de l'esprit, ça regarde dans toutes les directions. Donc, il faut que le Saint-Esprit attire notre cœur à lui. Et pour que ceci se passe, il faut qu'on sache se détacher des choses, de ces bruits qui nous entourent. C'est ici le vrai point, le vrai problème avec les enfants du Seigneur. Vous entendez ce que je viens de dire? C'est-à-dire, par exemple, pendant que je suis en train de parler ici, vous entendez les enfants jouer de part et d'autre, n'est-ce pas? Vous entendez ces cris-là? Supposons que peut-être le match, souvent, très souvent, nous prêchons ici, et dans les maisons, on est en train de voir les matchs de football. Et subitement, vous entendez les gens crier « Waouh !» Vous savez que quand on crie « Waouh !», subitement, votre attention quitte d'ici pour se focaliser là-bas. Vous voyez le déclic qui vous fait quitter pour vous attacher là-bas. Et pendant que je suis en train de bavarder ici debout, cette attention vous pousse à savoir qui a marqué. Eto ou Josh Maier ou c'était Maier. Il ne joue plus, c'est ça? Bon, c'est un exemple. Quand c'est déclic, je suis en train aller doucement pour vous saisir ces choses-là, comment ça se passe là-dedans. Ça, c'est à l'intérieur là maintenant. Vous êtes assis ici. Il n'y a rien qui peut me dire que vous êtes ici. À moins que soit une personne d'autre qui parle. Alors, vous dites, wow, que le Cameroun a marqué. Wow. Ton cœur en train de battre parce que tu n'aimerais pas que le Cameroun perd. Quelque chose a attiré ton cœur pour te focaliser, pour t'attacher là-bas. Vous suivez, frère? Pourtant, vous êtes assis ici, regardant une chose dans une direction et voulant avoir une pensée. Voulant être attentif à ce que le frère est en train de dire. Pas vrai? Quelque chose vous a détaché. Vous se connecter à lui. Il peut pas. De telle façon que ton oreille est tellement fine où on va dire que non, c'est le pénalty. Pendant que je suis ici, tu sais que c'est le pénalty sans savoir de quelle maison ça allait sortir, le bruit allait sortir, n'est-ce pas? C'est comme ça que le Saint-Esprit nous déconnecte des choses de ce monde-ci pour se connecter à lui. Remarquez très bien, j'ai dit que ceci se passe dans l'ambiance où je suis en train de prêcher. Donc, que tu sois dans l'ambiance où il y a la musique, n'importe où, le Saint-Esprit peut communiquer à ton cœur. Ça ne veut pas dire que tu peux t'isoler là où il n'y a pas de bruit. Si tu n'aurais pas n'importe où il y a le bruit, tu vas aller quelque part, c'est un bruit de l'eau qui va faire pa, qui va attirer ton attention. Suivez l'oiseau. Vous entendez ça? C'est l'oiseau comme ça, vous allez dans le calme, dans le forêt, c'est ça qui va parler. Un temps, tu vas entendre, tu vas dire, ça c'est le lion. Et puis là, vous allez vous tourner, c'est le lion maintenant qui va attirer ton attention. Tu vas commencer à faire comme ça là. Parce que tu crois que c'est le lion. Alors, comment donc être calme? Ou bien être attiré par le Saint-Esprit dans un monde bruyant. Dans la nuit, quand tu te reposes, maintenant, c'est tout ce que tu as eu dans les songes, quoi, en journée, qui commence à venir. Et donc là, qu'on dorme, qu'on ne dorme pas, on est en proie aux influences du monde. Mais je dis donc, pour que cette pensée, si du Saint-Esprit dépasse de notre cœur, il faut qu'on soit attiré par lui. Et là, ce n'est pas nous qui initions la chose. C'est la disposition de notre cœur et notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ qui attise là. C'est la disposition de notre cœur et notre amour pour le Seigneur. Les deux doivent être ensemble. Je ne sais pas si vous me suivez. Les deux doivent être ensemble. La disposition de notre cœur et l'amour pour le Seigneur. Si nous avons la disposition du cœur, que ouais, il faut que je me prépare à servir Dieu. Et vous n'aimez pas le Seigneur, ça ne marchera pas. Si vous aimez le Seigneur, vous n'avez pas la disposition du cœur, vous êtes ce que la Bible appelle un homme irrésolu. Vous suivez ça, n'est-ce pas, frère? Les deux doivent être ensemble. Tu dois être des personnes qui disent, je me sépare de telle chose et je m'avance. Et tu le fais. Tu ne renvoies pas à demain. D'accord? Quand tu cherches à te connecter au Seigneur, tant que la connexion n'est pas fixe, tant que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que tu aies trouvé. C'est ça dont je viens de parler. Donc, dans une autre vision, j'étais en train de causer avec mon épouse un de ces jours. Je lui ai posé la question, mais je n'ai pas voulu l'effrayer. Je lui ai posé la question. Lorsque je me suis levé de cette vision, on était couché dans le lit, dans un sens, on était en train de causer. Subitement, il a juste même pris quelques minutes. Quelques minutes, j'ai toujours cherché à vous dire ça ici, mais je vais vous dire parce que c'est un avertissement. Pas pour nous. Et puis, j'ai vu l'horloge, d'accord? La montre là. La montre présentée devant moi. Et l'horloge a été présentée. Souvenez-vous ici, je parle devant le Dieu vivant et vrai. L'horloge s'est présentée. J'ai remarqué que la grande aiguille, vous savez, quand il y a 4 et 5, si ça finit, ça va sur 5, ça veut dire que ça a parcouru l'intervalle entier, n'est-ce pas? Dans cet intervalle, quand je regarde cet intervalle-là, c'était sur le troisième guillemet. Ça veut dire que entre 4 et 5, il y a 1, 2, 3, 4, 5, les petits traits là. C'était sur le troisième. Et j'étais en train de vibrer et trembler dans mon âme. Mon corps tremblait tout entier. Mon être entier, depuis mes cheveux, tremblaient. De la peur que j'avais sur les deux autres parcours de la longue aiguille. Et je ne sais pas si vous me saisissez. C'est bon. C'est-à-dire que l'aiguille des minutes là était sur un 3 où il manquait 2. Quand ça va finir, quand ça va faire seconde, ça va sur une minute. Puis ça va sur une seconde, ça va sur l'autre minute, ça sera terminé. Donc quand ça devait arriver sur le chiffre exact là, ça devait terminer. C'était le clou, l'arrêt total. Et on disait que voici l'intervalle que vous avez à travailler. Vous suivez? Je me suis levé. Puis j'ai demandé à ma femme que... C'est pas là que je voulais demander. Et plus je lui ai demandé, quand on est allé hors de la chambre, je lui ai dit, lorsqu'on était couché sur le lit là, est-ce qu'à un moment donné, le temps de trembler? Parce que j'ai tremblé parce que j'ai cru peut-être que physiquement, il était tremblé dans le lit. Parce que quand je me suis levé là, je sentais quelque chose dans mon âme, où je l'ai regardé, j'ai remarqué qu'elle n'a pas observé quelque chose. Mais je lui ai dit, est-ce que quand on était couché ici, mon corps, j'ai bougé, parce que la façon que j'ai tremblé, tout mon être tremblait, même la vie, ça tremblait. Là, à voir ça, ce n'est pas autre chose que j'ai vu. Il dit bien, c'est la montre et le fait que je sais ce que la montre allait indiquer qui me faisait peur. Mon être tout entier était en vibration. J'ai dit, chérie, est-ce que mon corps tremblait sur le lit quand j'ai dit que non, il n'y a eu rien. On a continué la conversation, mais c'est resté dans mon esprit. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, travaillons. Donc, durant ce moment des 21 jours de jeûne pour les uns, trois choses doivent être comprises avant d'avancer. Trois choses, c'est sur trois choses que c'est basé. Je vais que vous prêtez attention, que vous saisissez effectivement. Trois choses, c'est à quoi ceci porte. Il dit bien, je vous ai seulement raconté la vision, ça n'a rien à voir, ça c'est la vision qui a été montrée. Je parle maintenant du cadre de notre jeûne, d'accord? Dans ces différents jeûnes-ci, trois choses doivent être assimilées et comprises. Le Seigneur est merveilleux tout simplement. Le Seigneur est tout simplement merveilleux. Vous savez, le jeûne, il ne s'agit pas tout simplement de se mettre à ne pas manger ou bien à crever. Ah. Si vous êtes prêts, on va avancer, frère. Que Dieu vous bénisse. Donc, trois choses principalement durant ces jours-ci. Souvenez-vous de Psaume 103, n'est-ce pas? Vous souvenez? Oui. Du livre d'Ésaïe et du livre de Colossiens, puis le livre de 1 Pierre, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça qui va meubler, qui doit meubler, c'est ça qui doit encadrer. C'est ça qui doit nous encadrer. Donc, le livre d'Ésaïe, du prophète d'Ésaïe, le psaume 103, le livre de Colossiens, puis le livre de 1 Pierre, c'est ça qui meuble tout notre 21 jours, pour nous. Donc, la période de jeûne porte sur trois points bien précis. Premier point, la séparation définitive. Sur l'union, on va en parler. Je ne sais pas comment il va dire cela. Les points sont donnés, mais je vais aussi tel que cela. La séparation définitive. S'il permet qu'on développe, on développera. Deuxième point, la restitution effective. La restitution effective. Troisième point, vous y êtes. La libération par le pardon. Donc je crois que c'est bon maintenant. Donc maintenant on peut jeûner effectivement. Et donc, durant ce moment, comme c'est donné là, supposons que dans les livres que vous allez lire, qu'on nous a donné par rapport à la garde de ce moment, vont tourner autour de cela. Lorsque vous les lisez, vous allez tourner autour de cela. Donc trois choses. Séparation, frère, séparation définitive. Deuxième, restitution effective. Et en troisième lieu, par le pardon. Si vous êtes prêts, on commence. Que le Spirit, le Seigneur nous aider et nous conduire. Donc commençons à la lecture quelque part. Si vous n'avez pas de questions, s'il y a des questions, on prend quelques questions et puis on continue. S'il n'y a pas de questions, vous avez des questions? Parlant des questions, j'aimerais vous poser quelques questions. Il y a des gens parmi les centaines d'emails que je reçois dans le monde entier. Mais je vais vous poser une question particulièrement d'un frère de la Côte d'Ivoire. Comment il s'appelle le frère? Un frère, il est Youbouet. Donc, je vous lis sa question. Bonjour frère, je me nomme Ilay Youbouet, je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire. J'ai suivi une de vos émissions radiophoniques grâce à mon frère qui travaille dans un cybercafé. C'est donc lui qui a téléchargé, oh là mon Dieu. C'est donc lui qui a téléchargé sur le net certaines de vos prédications. Je voudrais avoir certains éclaircissements sur la parole de Dieu. Je voudrais pour cela poser quatre questions. Je souhaiterais que vous me répondrez peut-être par la radio, mais moi, je n'ai pas la possibilité d'écouter la radio, parce que vu que je suis en Côte d'Ivoire. Donc, je souhaiterais que vous me répondez par mail, si possible. Donc, quatre questions. Vous allez prendre ces questions-là, et puis les conducteurs, là, vous allez vous atteler vous-même à répondre, à travers là-dessus. Waouh, la première question-là, c'est vaste, là. Donc, suivez attentivement. Vous pouvez suivre et puis recopier par votre mot parce que c'est vraiment... il a beaucoup parlé. Première question. Je constate que dans mon pays, les gens ont trois sortes de problèmes principaux. Avoir du travail, se marier, voyager. Et on peut ajouter les femmes qui n'enfantent pas. Bon, c'est pas seulement dans son pays, pas vrai? Vous voyez que c'est un problème qui est partout, n'est-ce pas? Et les femmes qui n'enfantent pas. Ce qui fait que les pasteurs qui sont de plus en plus cupides utilisent ça lorsqu'ils organisent des campagnes d'évangélisation, lorsqu'ils passent à la télévision pour faire l'annonce publicitaire de leur campagne. On entend très souvent, si tu ne travailles pas, viens assister à cette campagne. Si tu veux te marier, viens. Si tu veux voyager, viens. Si tu n'enfantes pas, viens. C'est vrai, pas vrai? Et ils en profitent pour escroquer les fidèles parce que les gens courent aujourd'hui après les miracles dont on les épate. Avec des miracles et après on les escroque. Alors que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données. Alors j'ai compris qu'à travers ce verset, Dieu est en mesure de tout nous donner si nous recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors ma question est la suivante. Oh, c'est merveilleux. Voici les questions que j'aimerais. Et vous voyez comment je vous ai posé déjà ces questions-ci une fois ici et puis ça revient. Ma question est la suivante. C'est quoi le royaume de Dieu et le royaume et la justice de Dieu? Et comment chercher le royaume et la justice de Dieu? Voilà la première question. Bonne question, pas vrai? Si je vais répondre à cette question, si toute la soirée nous prendrait, donc c'est à votre gouvernement maintenant. Donc, et ceci est important puisque le Seigneur Jésus-Christ précise dans ce livre de Matthieu, chapitre 6, là, quand le laisser toutes ces choses qu'il a citées là et d'autres choses, de chercher cela, chercher plutôt le royaume de Dieu et sa justice d'abord avant que cela vous soit donné par-dessus toutes choses. Maintenant, il pose la question, c'est quoi donc ces choses-là et comment chercher? Vous voyez vraiment que quelqu'un qui cherche vraiment Dieu pour chercher à ce que ces questions soient répondues. Parce qu'on a dit que voici ce qui est le plus important, voici ce qui est plus important. Vous avez suivi la question, n'est-ce pas, frère? Bon, je retrouve. Oh, c'est pas vrai ça. Donc, c'est quoi chercher? C'est quoi le royaume de Dieu et la justice? Et comment? Et comment? Oh là. Et comment la retrouver, la chercher? Question numéro 2. La Bible dit que ceux qui adorent le Seigneur doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, comment adorer le Seigneur en esprit et en vérité? Voilà la deuxième question que vous devez donner la réponse. Donc, mercredi, s'il plaît à Dieu, s'il vient, il veut piper quelqu'un parmi vous, comme vous avez copié, piper quelqu'un, il veut répondre à cette question-ci. Donc, il y a 4 questions. Donc, le Seigneur dit qu'il. La Bible dit que ceux qui adorent le Seigneur doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, comment adorer le Seigneur en esprit et en vérité? Vous y êtes? Question numéro 3. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés. J'espère que c'est ça, hein? Vous m'expliquez ce que ça veut dire? Explication de Éphésiens 6, verset 12 à 18. C'est quoi lutter contre la chair et le sang? Il sait que même l'autre là, même. Chacun peut répondre ici facilement. Question numéro 4. Si je ne vais pas vite. Question numéro 4. La Bible dit qu'il n'entre pas chez vous les enchanteurs et les personnes qui pratiquent les divinations. J'espère que c'est ça. Hein? Je n'ai pas le verset exact en tête. Pouvez-vous expliquer ce que ça veut dire? La Bible dit de ces livres, non, de ces écritures qui dit qu'on ne trouve point chez toi ceux qui invoquent les esprits, n'est-ce pas, frère? C'est le livre de Lévitique, chapitre 19 et chapitre 20 et Deutéronome. 18, verset 9 à 14. On avance. Ok, ben c'est terminé. C'est le cas de la question. Merci infiniment de me répondre et que le Seigneur vous bénisse. Il est Youpoint depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de questions comme ça que s'il y avait de l'imprimante, on imprimerait et vous distribuez. Ça vous permettra aussi de travailler dans les écritures. Donc, mercredi prochain, on va commencer par ces questions-là. Chacun va exposer. Donc, première question, c'est quoi le royaume de Dieu et la justice de Dieu et comment chercher cela? Deuxième question. Éphésiens 6, quoi l'a dit, qu'on ne doit pas trouver. Bon, ça va, n'est-ce pas, frère? Donc, Dieu bénisse tous ces frères-là de la Côte d'Ivoire. Il y a Olivier Angoran, le frère Iba. Vous savez que la famille du frère Iba a grandi, n'est-ce pas? Donc, ouvrons le livre d'Esaïe au chapitre 1 et travaillons. Au fur et à mesure que les versets vont venir, je vais vous les donner. On va travailler là-dedans et voyons, on va voir ce que le Seigneur nous permettra d'avoir aujourd'hui, n'est-ce pas, frère? Comment ça va l'église qui s'est venue dans ta maison? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a le découragement, pourquoi? Parce que le conducteur lui-même s'est découragé. Ou bien il y a tout le travail. Le travail, c'est que. Toi, tu vas aller à 30 jours aussi. D'accord? C'est pas là, comme tu es déjà maigre là. Tu vas aller aussi à 30 jours. Tu avais dit que tu veux être leader, non? Mon frère, ou bien tu ne veux plus. Ou bien c'est trop de responsabilité. C'est vrai qu'il est ici. Et le jeune, c'est comment? Ça se passe très bien. Hein? Ça se passe très bien. Très bien. À la maison, ça va. Hein? Ça va. Donc, gardez-vous que vous ne soyez troublé durant des moments que vous êtes fixé pour le jeûne. Gardez-vous que vous ne soyez pas troublé, ne soyez pas déconcentré. Si vous avez fixé des moments pour prier, faites l'effort que vous soyez dans un endroit vraiment calme pour travailler. Parce que le Seigneur, j'espère que le Seigneur va nous faire grâce de beaucoup de choses. N'est-il pas déjà dans son Saint-Temple? N'est-il pas dans son Saint-Temple? Donc, Esaïe chapitre 1. Esaïe, le chapitre 1. Ah, de voir les choses se dérouler. De voir les choses se dérouler. Notez psaume 25. Donc, on va commencer par Isaïe chapitre 1. Notez, on va lire sur les choses. Comme ça, quand même, déposer la Bible, on va commencer à lire selon que ça va venir dans toutes les directions de ces passages-là. On va commencer par Isaïe chapitre 1. On va lire. Vous notez, psaume 25, les psaumes 34. Psaume 34, 50, 51, 74. Proverbe chapitre 8, verset 13. Notez cela. Proverbe chapitre 8, verset 13. C'est bon? Je crois qu'on ne peut pas commencer maintenant. Ça va nous circonscrire là-bas. Donc, on va commencer par Isaïe chapitre 1. Je vous ai dit Isaïe chapitre 1. Psaume 25. C'est ça? 34. 50, 51. 74. Ça va? Proverbe chapitre 8, verset 13, c'est ça? Voilà, merci Père. Alors, commençons donc par le prophète Isaïe. Que Dieu vous bénisse. Donc, souvenez-vous donc de ce qu'il le socle de cette période de jeûne, pour que vous ne manquez pas cela. Et le but de ceci, c'est d'enlever et de nettoyer de nos vies tout ce qui peut nous empêcher de servir le Seigneur, parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est pour travailler dans sa perfection. Pour qu'on n'ait pas de tiraillement de ces choses-là. C'est comme un frère qui m'a appelé de Sénégal. Il dit, il est venu à comprendre que le Saint-Esprit ne peut pas enseigner le vrai et le faux. C'est merveilleux seulement de comprendre cela. Il est venu à admettre que le Saint-Esprit ne peut pas enseigner le vrai et le faux. Mais normalement, même son nom indique qui il est, le Saint-Esprit. Son nom indiquerait cela. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde quand même de comprendre que le Saint-Esprit peut enseigner le vrai et le faux. Alors, par conséquent, un serviteur ou un de l'Esprit de Dieu n'enseignerait pas le vrai et le faux. Il y a un problème. N'est-ce pas, frère? Ésaïe chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 1 et puis on va avancer. Ésaïe chapitre 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Vous avez vu ça? Mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse. Au peuple chargé d'iniquité. À la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos récoltes, vos révoltes, quand vous multipliez vos révoltes, je vais commencer à partir du verset 5 encore. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? C'est la question que le Seigneur pose. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Ah, entouré, épargné, là, vous mettez là-bas abandonné. C'est quand même terrible ça. Comment on peut écrire? Comme une ville abandonnée. S'il était, c'est pas épargné, ça ne peut pas donner, c'est pas épargné. Quand vous entendez ce qu'il y a de parler là-bas, ça ne peut pas être épargné. Ça n'a pas de sens. Une vie épargnée, c'est une vie qu'on a préservée. Mais ici, il y a de parler plutôt d'une vie qu'on a abandonnée. Ah mon Dieu, c'est quoi cette histoire? Verset 9. Si l'Éternel des armées ne nous eût tué, si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serons comme Sodome. Nous ressemblerons à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude? Vous voyez même la façon qu'on a écrit à faire là? C'est pas bien là. C'est quand même terrible cette histoire-ci. C'est A accent là, avec faire. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Maintenant, on va s'arrêter d'abord ici avant que je n'avance, pour qu'on puisse comprendre. Dieu est en train de fustiger Israël ici du fait que Israël non seulement l'a abandonné, en montrant que même les fous, même les bœufs connaissent leur lieu de pâturage, mais Israël ne connaît rien. Ils sont dans l'iniquité en plein sans s'en rendre compte. Il dit qu'il a nourri un peuple et ils l'ont abandonné. Puis Dieu vient ici, il dit qu'il ne prend pas plaisir au sang ni au sang des taureaux de sacrifice. Ceci semble bizarre parce que dans l'Ancien Testament, dans la Torah, il appelle ce sacrifice-là un sacrifice de bonne odeur, ce qui est agréable à Dieu. Mais ici, il dit qu'il ne prend point plaisir à ce sacrifice. C'est comme si, comme vous allez lire dans ce psaume 50 et 51 là-bas, il dit que s'il voulait les taureaux des champs ou bien les chèvres là-bas, s'il avait fait, il ne l'aurait pas dit parce que tout ce qui est dans les champs là, c'est lui qui les a faites, n'est-ce pas? Puis il spécifie ce qu'il veut. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire qu'il n'agrée point de sacrifice sans réforme de voie. C'est ce qu'en clair il est en train de dire. Qu'il n'agrée point de sacrifice sans réforme de voie. C'est-à-dire que tu aies 4 millions, que tu donnes aux orphelins n'importe comment. Souvenez-vous, dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 27, il dit que la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste en 1. Puis, vous voyez effectivement que si quelqu'un fait la première partie sans faire la deuxième, il a de perdre son temps. N'est-ce pas? Il dit ça, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et à s'abstenir des souillures du monde. Les deux sont liés. Pas de bonnes œuvres sans séparation avec le péché. Les bonnes œuvres sans séparation avec le péché, c'est une fois emprisonné dans la chair. Des bonnes œuvres sans séparation avec le péché, c'est une fois emprisonné dans la chair. Autrement dit, on vit dans la chair, pas dans l'esprit. Parce que la foi doit s'exprimer par les œuvres. Et la foi doit être purifiée par la sainteté. Si ce n'est pas purifié par la sainteté, tout ce que tu fais, c'est la chair. Et il n'y a rien de la chair que Dieu agrée. C'est les choses de l'esprit. Et c'est l'esprit, ça doit se faire de façon que son esprit l'a ordonné. Alors, les Juifs ici, Dieu a ordonné sous Moïse comment les sacrifices devaient se passer. Les gens ont compris maintenant que je peux sortir. Remarquez très bien comment il va parler plus tard. Je crois qu'il ne sait pas si on l'a lu. Il a parlé maintenant des orphelins. Attends, quoi? Avançons là. Je crois que c'est plus bas. Regardez. Verset 12 maintenant, regardez. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, ça doit se séparer. Il doit avoir la séparation. Les trois points qui sont le socle de ce moment des jeunes, c'est quoi? Un. Voilà. La séparation effective. Deux. La restitution. Trois. Par le pardon. Donc, le Seigneur vient de nous montrer ici que point de communion avec lui si on embrasse encore des choses qu'il déteste. Donc, vous voyez qu'il fait quoi? Il dit qu'il en a marre de voir des solennités. Quand quelque chose est solennel, c'est comme l'événement de 20 mai dont on a célébré hier. On ne peut pas mélanger cela avec les choses païennes. On ne peut pas mélanger la solennité de Dieu. Quand Dieu dit ici, vous allez voir, beaucoup de personnes vont prendre en disant que Dieu a dit qu'il y a les nouvelles lignes, il y a les sabbats et autres là-bas, sous Israël. C'était des choses qui étaient ordonnées. C'est Dieu qui a ordonné les sabbats. Il a dit clairement dans le livre de Lévitique, chapitre 23 à 25, il a dit que vous allez assembler de façon perpétuelle. Et il a appelé cela les fêtes de l'Éternel, que les juifs toujours devaient célébrer. Mais ici, subitement, on voit dans l'île des prophètes, il dit, c'est d'abord, il dit, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats. Donc, il veut dire clairement que j'ai en horreur les nouvelles lunes, j'ai en horreur les sabbats et j'ai en horreur les assemblées. Il a en horreur cela. Pas que c'est l'assemblée qui est le problème. C'est que c'est la manière dont on fait cette assemblée qui est le problème. Parce qu'initialement, sous Moïse, Aaron et autres, là, lorsqu'on faisait ces choses-là, il dit que c'est un sacrifice de bonne odeur, d'une agréable odeur devant le Seigneur. Alors, subitement, ça a commencé à faire quelque chose. Ça veut dire qu'on doit s'atteler à faire, ou bien si on veut rendre culte à Dieu, on doit le faire de la manière dont il a prescrit. Si ce n'est pas comme ça, il va rejeter. Et Dieu merci qu'il prend les cieux et la terre à témoin contre tout cela donc, qu'il a abreuvé. Première chose donc, premier principe. Le fait que Dieu a eu à travers avec toi ne veut pas dire qu'il en a fini. Ou bien que tu en as fini avec le péché. Ça doit être assimilé d'abord pour qu'on avance. Je ne sais pas où c'est ici. Le fait que Dieu a eu à se manifester d'une façon ou d'une autre dans ta vie ne veut pas dire qu'il en a fini avec toi dans le domaine du péché particulièrement. Il peut aller dans la Bible maintenant, commencer à vous brosser tout cela, vous voyez. Si vous voyez le prophète Jacob, Dieu va se manifester à plusieurs égards à lui. Parler à lui à plusieurs égards. Dans Genèse chapitre 35 particulièrement, Dieu lui dit monte à Bethel et offre un sacrifice qui, pour le Dieu qui t'a amené jusqu'à la Bethel. Vous vous souvenez à Bethel, qui s'est révélé à toi? C'est Dieu qui lui dit comme ça. Dieu vient et lui dit que va, monte à Bethel et construis là-bas un hôtel pour le Seigneur. Dieu ne lui parle rien de tout ce qui concerne son entourage. Qu'est-ce qu'il comprend? Subitement, quand Dieu s'est retiré, allons dans le Genèse chapitre 35, là, voyons cela avant de revenir. Gardons le doigt dans ce livre de Genèse. Voyez, ce n'était pas prévu pour Genèse là. Nous sommes là. Genèse chapitre 35, c'est le premier livre là. On y va rapidement et on revient. Donc je recommence encore pour que vous saisissiez très attentivement. Le fait que Dieu a déjà eu à traiter avec toi d'une façon ou d'une autre, par des songes, par des révélations, par l'imposition des mains que les gens sont guéris, par des prophéties, ne veut pas dire qu'il en a fini avec toi quant à ce qui est de la résolution du problème du péché. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ok, regardons ici dans le livre de Genèse, chapitre 35. Regardez. Verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, c'est Dieu qui a parlé. On n'a pas dit que c'est par l'intermédiaire d'un ange, c'est Dieu qui a parlé, il est prophète de Dieu. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. Vous avez vu? C'est le Seigneur qui a parlé. Maintenant, regardez verset suivant. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Encore, ôtez les dieux étrangers. Dont le prophète vivait en présence des dieux étrangers. Mais ça n'a pas empêché que Dieu le préserve. Si vous regardez depuis quand il a quitté chez Laban, on a pris sa fille, l'une de ses filles a pris les térébènes, Rachel en particulier. C'est ça, n'est-ce pas? Les térébènes, c'est quoi, frère? Les idoles, l'idole de son père, le dieu de sa famille. Vous entendez ce qui se passe? Il dit, en quittant la maison, ces deux femmes qui étaient ses deux sœurs, l'une a pris les dieux de son père. Caché dans le... Vous savez, soulever son kabbalah, mettre à l'intérieur de ses sous, monter sur l'âne. Et à cause de ça, la parole prophétique est sortie pour la tuer à cause de cela. Vous avez lu ça dans la Bible, n'est-ce pas? Elle est morte à cause de cela. Il parle de Rachel. Dieu a dit la nuit à Laban, quand tu vas arriver, ne parle en rien à Jacob. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Donc si tu veux qu'il te traite, touche-le. Mais voilà Rachel avec le Dieu étranger au milieu. Dieu ne dit pas à Jacob que ta femme a le Dieu étranger. Enlève cela. Le silence des dieux doit nous pousser à réfléchir et à méditer sur notre vie devant lui. Le silence. Vous suivez, n'est-ce pas? Lorsque Dieu se présente ici dans ce verset 1 du chapitre 35 de Genèse, il dit à Jacob, remarquez, vous avez vu, il a fait la réponse de quoi que ce soit. Il dit seulement, monte à Bethel. Je suis. Vous me permettez, je reste ici un instant pour vous en parler. Chaque fois, enfin, vous montez, vous descendez, on ne peut pas se présenter devant le Seigneur avec le péché. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est pour cela que le premier acte de réconciliation avec lui, c'est la repentance. C'est l'acte de réconciliation. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ça ne peut pas passer autrement. Et tu ne peux pas venir devant lui avec un Dieu étranger. Parce qu'il a déjà dit que tu n'auras pas devant un autre Dieu devant devant sa face. Il a montré, lorsqu'on a pris même son représentation, mettre à côté de Dagon, Dagon a chuté. Pas vrai? Aucune autre divinité ne peut tenir devant le Seigneur Dieu des armées. Alors maintenant, curieusement donc, nous pensons donc dans notre façon de rendre culte à Dieu, que comme il est amour, comme il est gracieux, comme il est miséricordieux, nous pouvons nous présenter devant lui avec des milliards de dieux, l'adorer, le servir, rentrer neutre, continuer à servir ces dieux-là. Lorsque Dieu a dit à Jacob que monte à Bethel, tant que Jacob restait là-bas, là où il se trouvait, il était avec les dieux étrangers, vrai ou faux? Nous sommes d'accord, frère? Il était avec les dieux étrangers. Lorsque Dieu a dit monte à Bethel, Bethel, ça veut dire la maison des dieux. Il a compris qu'il ne peut pas avancer là-bas avec ceci. Il s'est tourné vers les gens de sa maison. Il a dit ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Parce qu'avec ça, on ne peut pas avancer là-bas. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Dis à ton voisin la séparation. Il faut que ça soit séparé. Sinon, vous ne pouvez pas avancer. Alors, lorsque donc Dieu n'a pas parlé en disant de façon spécifique, faites ceci, faites attention à la manière de s'approcher à lui. Chaque fois dans la Bible, quand Dieu va vouloir approcher les gens, si vous lisez Exode chapitre 19, Exode chapitre 19, je crois qu'il faut allumer là-bas. Maman, allume là-bas. Pour que ceux qui vont venir, oui, là. Et puis, il n'y a pas l'obscurité. Vous lisez Exode chapitre 19. Vous allez remarquer que lorsque Dieu a dit à Moïse de descendre préparer le peuple, lorsque Dieu a dit au prophète Moïse qu'il va descendre aux yeux de tout le peuple, il va lui parler pour que le peuple ait toujours crainte de lui. Vous vous souvenez de cet événement? Vous vous souvenez, frère? De ce côté, vous vous souvenez? Mais ça fait longtemps que vous avez abandonné Exode. Lorsque Dieu, dans le livre d'Exode chapitre 19, a dit à Moïse de descendre préparer le peuple, il va se présenter afin que le peuple ait toujours la crainte, sachant que c'est Dieu qui lui parle chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais celui, le garçon, si. Maman, tu peux t'asseoir ici. Alors, Dieu a dit à Moïse de descendre préparer le peuple. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? D'aller faire comment? Sanctifier le peuple. Il dit à Moïse de sanctifier le peuple. Quand vous lisez comme ça, voyant le parcours où les Juifs marchaient toujours avec Dieu, ça ne vous dit absolument rien de sanctifier. Je ne sais pas si vous me saisissez. Au chapitre 14, Dieu marchait au devant d'eux et au derrière d'eux pour les faire voyager et pour combattre derrière, n'est-ce pas? Il les a fait traverser la mer morte, enfin la mer rouge, aller dans le désert, camper avec eux, donner des choses à manger, parler, donner les oracles là-bas des différents grondements. Mais il dit à Moïse que descend sanctifier le peuple. Qu'est-ce qui est en train d'arriver avec le peuple? Qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple? Est-ce que le peuple est au courant qu'ils doivent se sanctifier? Ça veut dire que si Dieu descend de cette façon, il va les tuer, pas vrai? Dans sa grâce, il dit, il faut qu'il dénonce ces œuvres-là pour qu'on s'en sépare, afin qu'on soit en relation étroite avec lui. Ces Genèse 35-là, qu'est-ce que ça continue en disant quoi? Lorsqu'il est au verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Oui. Purifiez-vous et changez de vêtements. Oui. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Stop. Vous avez vu ça? Donc, subitement, la prédication, Jacob lui-même qui est un voleur a commencé à sanctifier, à demander aux gens de se sanctifier. Il a compris qu'avant d'avancer dans la maison du Seigneur, il faut qu'on soit différent. C'est-à-dire, la maison du Seigneur, c'est le lieu de sa demeure, c'est le lieu de la sainteté. On est d'accord? Alors, qu'est-ce que la Bible dit de notre corps? Nous sommes le temple dont notre corps doit être. C'est pour cela donc que la Bible nous dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, on n'a pas achevé. Vous suivez, frère? Quand on n'a pas compris ces premiers principes, on va croire que Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, que c'est réglé. C'est pas comme ça. Il a dit que celui qui est saint. On ne dit pas que tu es saint, que tu n'es pas saint. C'est pas ça. Tu es déjà saint, n'est-ce pas? Qui est saint ici? Tout le monde est saint, pas vrai? Dis à ton voisin, sanctifie-toi encore. Sanctifie-toi encore. Si nous prions aussi, oh Seigneur, sanctifie notre être, âme, esprit. Sortez pour arriver à votre maison, vous allez voir les publicités en route. À cet instant, vous allez voir ce qui va arriver dans votre esprit. Seulement cela. Sans compter quand vous êtes dans le temps, c'est ce que vous entendez. Vous dites, on est dans quel monde là? Allez au champ, c'est au champ qu'on va venir vous trouver. Vous savez, je suis allé une année dans. Il y a un endroit à Kribé, on appelle c'est Nieté, quelque chose comme ça, là où il y a Evekam. C'est une femme, une soeur ici, qui m'avait amené, il a dit, j'ai ma maman là-bas qui est malade, allons là-bas prier. Il dit, ok, allons. On est allé dans ce village-là. L'une de ses sœurs là-bas, sa grande sœur qui est là-bas, est ancienne de l'église là-bas. Vous savez, les anciennes de l'église, apportent le blanc-blanc. Il tente de prier pour la maman, il tourne vers elle. Vous savez, les choses, ces choses-ci là, ces choses-ci. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Le fait que tu portes le blanc-blanc ne fait pas que tu sois blanc devant le Seigneur. C'est pas ça. Vous savez, le sang du Seigneur Jésus-Christ est rouge, pas vrai? Mais c'est la seule chose qui rend blanc. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 1, là, le verset 17 et 18, là, c'est ce qu'il dit. N'est-ce pas? Cette femme s'est tenue là comme ça, mais s'est tournée. Bon, comme on était trois ou quatre à la maison, et des grandes personnes, ils pouvaient aller. Vous savez, en ce temps-là, il y a des moments où je peux dire des choses en parabole et autres. Mais il y a des choses qu'il faut dire crûment pour que la personne comprenne que ici l'heure est grave. Mais je suis tourné vers elle, j'ai dit, madame, au champ, tu es couché avec un homme. Le palu, elle a failli pour se pisser, là, on s'est retrouvé. Il dit, au champ, ils sont de dire que si vous fuyez le monde, si vous dites, il m'en veut au champ, c'est un genre d'événement qui est couché là. Vous cachez sur un gavé, vous en êtes dormi, vous entendez un genre de son quelque part, ça attire votre attention, vous voyez que c'est une femme qui est venue au champ avec un homme, c'est là où ils font leur cacheterie, ce qu'on fait normalement dans la maison. C'est là où ils font ça au champ. Là, maintenant, vous avez fui le monde, vous allez retrouver ça où? Au champ. Il lui dit, madame, qu'est-ce que tu fais au champ avec cet homme-ci sur les palmiers? Il dit, si elle pouvait disparaître là-bas, elle devait disparaître. Elle s'est dit en leur langue là-bas, vous savez, c'est un de ses noms et aussi un midi 14h. Elle demande, et puis je demande à sa soeur, elle dit que le gars, si c'est un voyant. Donc, quoi, c'était seulement le guérisseur. Il faut que le Saint-Esprit dénonce nos œuvres. Il faut que nous admettions qu'il dénonce nos œuvres. Il ne dénonce pas pour nous culpabiliser, mais pour nous réformer. Il y a des gens qui désirent seulement que Dieu lui dise que, Seigneur, lorsque le Seigneur lui dit que voici là où ton problème se situe, ton problème avec moi, ils n'ont pas cette opportunité. C'est-à-dire qu'ils aimeraient que Dieu leur dise que je veux que tu enlèves tes chaussées et que tout va bien entre toi et moi. Ils aimeraient qu'on leur dise cela. À d'autres personnes, tu viens, tu lui dis cela, il te prend pour son ennemi. Que j'aurais souhaité que tu ne dises pas ça comme ça. Donc, il aurait souhaité qu'on l'arrange. Il croit que, comme Jean-Baptiste devait demander l'audience à Hérode, que tonton Hérode, s'il te plaît, viens te parler en privé. Comme tu vois la femme Hérode, ne prends pas la femme Hérode, la femme de ton frère Philippe, c'est pas bien. Hein? Il s'abreuse là-bas devant tout le monde, dit que race de. Regarde, c'est ta femme. Alléluia. Mais il sait où, à quel prix ça doit lui arriver. Mais comme aujourd'hui on est tellement devenu diplomatique, on a utilisé n'importe quoi, le langage, la façon de parler, même le péché, il faut caresser pour ne pas dire à quelqu'un parce que de peur de le blesser. Frère, si tu dis comme ça, tu vas le faire fuir l'église. L'apôtre Paul dit que ceux qui pêchent, reprend les devants, tout ça fait que les autres ont, n'est-ce pas, frère? Bah, pour ceux qui connaissent les anciens. Donc, Dieu doit réformer notre voie. Et nous ne pourrons pas présenter devant lui sans les séparations de ces choses étrangères devenir nous. Nous admettons que nous marchons, nous avançons vers le Seigneur, nous sommes tirés vers l'extérieur parce que nous sommes accrochés vers les choses dont nous ne maîtrisons pas. D'où la nécessité de prier durant ce moment, c'est Seigneur, montre-moi ce qui m'attache encore et m'éloigne de toi. Vous voyez cela? Je me pose des questions. Qui a dit au prophète Jacob qu'il y avait le Dieu étranger au milieu de lui? Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Sanctifiez-vous, changez de vêtements. Demain, nous monterons à Bethel, à la maison de Dieu. N'est-ce pas? Ils vont monter à la maison de Dieu. Mais il faut qu'ils se sanctifient. Le problème maintenant, c'est que vous ne pouvez pas monter à la maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Vous voyez le vrai problème, n'est-ce pas? Il faut qu'on soit saint à l'intérieur d'abord pleinement, puis à l'extérieur. Donc quand Dieu, notre Seigneur, manifeste des choses dans ta vie, des grâces dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu es arrivé avec lui. Ceci devait plutôt te dire, comme le Seigneur s'est manifesté à moi, il faut que je cherche davantage à lui plaire. Et par conséquent, il faut que je travaille davantage dans la sanctification. Si vous regardez, c'est plein dans l'Ancien Testament. Si vous regardez dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 14, et particulièrement le chapitre 16, vous allez voir l'histoire d'Akab et de Josaphat. Josaphat, fils d'Aza, était un homme qui craignait Dieu. Et le prophète dit qu'il y a quelque chose de bon en toi. Il dit qu'il y a quelque chose. Le prophète qui vient lui dire qu'il y a quelque chose de bon en toi. Donc, il y a encore de Dieu en lui. Josaphat va aller en guerre. La Bible déclare que Josaphat était avec Dieu. Il travaillait avec Dieu. Il craignait Dieu. Et il a amené Juda, tout Juda, à suivre la parole du Seigneur. Il a même engagé des lévites et des sacrificateurs à marcher dans tout Juda pour pouvoir enseigner la crainte de Dieu. Puis le Saint-Esprit dit, malgré tout cela, les hauts lieux ne disparurent point en Juda. Malgré que Dieu lui donne la victoire dans la guerre, il le sauve lorsqu'ils sont allés à Ramon en Galate. Malgré que Dieu lui donne des exploits en le délivrant des différents rois et royaumes de la Syrie, des Philistins qui l'attaquaient, on dit malgré cela, les hauts lieux. Vous savez à quoi étaient destinés les hauts lieux? Que les hauts lieux ne disparurent point en Juda. Donc c'était des occasions de chute. Mais le problème que le haut lieu sur eux était là-bas n'empêchait pas Dieu de se manifester sous le royaume de Josaphat. Le fait que Dieu se manifeste dans le royaume de Josaphat ne veut pas dire qu'il est en accord avec ses hauts lieux. Donc le fait que Dieu se manifeste en toi ou au travers de toi ne veut pas dire qu'il a fini avec toi avec le péché. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc ces manifestations-là, ces différentes grâces du Seigneur dans nos vies reviennent à nous dire de façon indirecte que maintenant, comme le Seigneur a fait ceci avec moi, il désire faire davantage grand. Il faut qu'il regarde autour de moi pour voir s'il y a encore des choses à défricher et à enlever. C'est ce que ça veut nous dire. Vous me suivez, frère? Observez le Seigneur Jésus-Christ quand il est entré chez Zachée. Observez sa présence là-bas. Le fait qu'il ait accueilli, Zachée a compris qu'il y a une autre chose à faire. Il faut la séparation et la restitution. Observez. Tout ceci, n'est-ce pas? Jésus est dans sa maison. Communion avec lui. Ils comprennent la nécessité que pour que cette communion se soit perpétuelle. Parce que quelque chose ne doit pas empêcher cette communion. Il faut qu'il se sépare de quelque chose et qu'il restitue des choses. Mais suivez, frère, il y a des choses à restituer. Et souvenez-vous, comme on a vu dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 1, nous ne devons pas, enfin, à moins que nous sommes en train de nous tromper. Vous voulez vous tromper et vivre dans la religion comme les autres font, qu'on peut aller faire n'importe quoi, comme d'autres disent qu'on peut aller pleurer le grand-père au village, enlever la crainte, faire ceci, mais ça n'empêche à ce qu'on sert Dieu. Donc, c'est eux qui ont fixé les propres standards. La façon dont ils vont servir Dieu, la façon dont ils jugent que Dieu est fâché ou bien il n'est pas fâché. N'est-ce pas? Si on revient avec Jacob sur cette ère-ci, on va poser la question, qu'est-ce que les boucles d'oreilles, parce qu'il est question des boucles d'oreilles là-bas et les anneaux d'or, les habits qui vont se sanctifier. Ils vont demander qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu, le grand Dieu des cieux et esprit. Pourquoi se sanctifier avec l'esprit? Le prophète, lui, qui est en communion avec Dieu, a su que c'est un problème pour Dieu. Vous regardez dans Exode chapitre 19, il est question de changer de vêtements, de se laver, de se purifier, de ne point toucher les femmes pendant 3 jours, parce que Dieu va venir sur scène. C'est pas ce qu'il écrit, frère. Il faut qu'on se sanctifie. Il faut qu'on se sanctifie. Prenons garde de ce que nous voyons. Entendons, lisons, méditons. Prenons garde. Il n'y a point de sanctification sans séparation. Parce que sanctifier, c'est vrai, nettoyer, mettre à part. D'accord? Nettoyer, mettre de côté, prêt pour être utilisé pour le service. Notez 2 Thessaloniciens chapitre 2. Non, 2 Timothée chapitre 2. Le verset 19. Timothée chapitre 2, le verset 19. Donc, Jacob a compris la nécessité de se sanctifier avant de s'approcher, n'est-ce pas, frère? Nous comprenons la nécessité de se sanctifier avant d'avancer. Si ce n'est pas comme ça, on va se retrouver dans le livre d'Ésaïe chapitre 58, où il a dit que nous sommes des jeunes si tu n'es point erré, et gars, de mortifier notre âme si tu n'entends pas. Et souvenez-vous, le Seigneur a dit de sa propre autorité. Sa propre souveraineté dans la Bible que le jour de jeûne, c'est un jour qui est agréable à lui. Donc, si nous cherchons des moments agréables dans la présence du Seigneur, faisons ce qui lui est agréable. Sinon, nous sommes en train de nous mortifier pour rien. Donc, lorsque nous jeûnons, associons-nous avec le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il évacue de notre vie les choses qui ne lui plaisent pas. Quand vous lisez, par exemple, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, les versets 29 et 30, il dit que toute amertume, toute impurité, toute clameur, toute animosité, toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Vous entendez ce qu'il a dit? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez cela? Voilà. Elle indique là les choses qu'il faut que ça disparaisse. Et je vous avais dit ici qu'il y a des choses que vous montez, vous descendez, vous ne pouvez pas faire disparaître. Il y a des choses que lui, il doit faire. Et pour qu'il fasse, il veut votre coopération. Il faut que vous le laissiez faire. Quand quelqu'un dit que j'ai mon orgueil propre, que je n'aime pas que personne piétine, vous entendez que quelque chose ne va pas chez lui. Que non, il a piétiné mon amour propre. Puis il dit qu'il a attristé son Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Son amour propre. Il a brisé mon orgueil propre. Que non, moi-même, je sais que je suis orgueilleux. Et je suis fier de cet orgueil-là. Tu sais que nous, les bagantés, tu connais ce que ça veut dire, né? C'est noblesse. Vous appelez D, c'est quoi déjà? Dignité, élégance. Dans un peuple orgueilleux, il faut la délivrance à tous les bagantés. Amen. L'orgueil n'a pas place devant le Seigneur. La Bible dit que ceux qui se glorifient d'avoir la grâce de le connaître. D'accord, frère? Dans le psaume 25, que je vous ai donné, les versets 11 à 12. Merci, Père. Le psaume 25, versets 11 à 12. Je crois qu'on va sortir avec la prière qui... La prière... Mais avant cela, il faut qu'on comprenne. La prière dans le psaume 74. Psaume 25. Si vous y êtes, je lis là. Regardez. On y va. S'il y a un livre qui est difficile, qui n'est pas difficile d'ouvrir dans la Bible, c'est le psaume. Parce que vous soyez chrétien ou non, on sait où le psaume se trouve. Psaume 25, versets 11 et 12. Regardez ce que ça dit. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Écoutez ça attentivement. Verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? On cherche cet homme-là. Puis il dit, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. C'est merveilleux seulement. C'est merveilleux comme des promesses qui se trouvent dans la Bible. Notre iniquité est pardonnée à cause de son nom. C'est ce que le prophète Jean dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 14. Je vous écris, petits enfants, afin que vous sachiez que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est son nom qui pardonne le péché. Frère, s'il n'y avait pas le pardon en Jésus-Christ, où serons-nous franchement? Nous serons fichus, pas vrai? Donc, il dit que c'est à cause de son nom que nos péchés, mon péché, mon iniquité est pardonnée. Il dit, car elle est grande. N'est-ce pas, frère? Puis, il pose la question, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Soulignez, craint l'Éternel. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Donc, le Saint-Esprit nous dit que si tu décides de craindre Dieu, si tu te mets parmi ceux qui craignent Dieu, il dit directement dans le volet B de ces versets 12 du chapitre 5 des psaumes, il dit l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. N'est-ce pas mes vieux frères? Lorsque nous voyons que dans la vie, il y a plusieurs voies à choisir, nous ne savons pas très souvent quelle direction prendre, dans quelle vie être, ce qu'on est censé faire comme métier séculier. On ne sait même pas ce qu'il fait. Tu restes comme ça un temps, tu es perdu, tu ne sais pas où tu te trouves. Tu veux prier, ça ne marche pas. Tu veux lire, ça ne marche pas. Tu veux dormir, ça ne marche pas. Rien ne semble marcher. Il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Vous avez celui qui craint l'Éternel? Vous avez souligné? Lisons le dernier livre qui est donné aujourd'hui, Proverbe chapitre 8, verset 13. Je vous ai donné ça tout à l'heure dans la série quand j'ai donné aujourd'hui. On est déjà entré dans le psaume 25 là maintenant. N'est-ce pas, frère? Lisons maintenant Proverbe chapitre 8, verset 13. Qu'est-ce que ça dit, mon cher frère V? Ou bien, papa, t'en es-tu hier? Verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Voilà, ça va le premier volet. Donc, si on porte Proverbe chapitre 8, j'espère que vérifiez encore que c'est ça qui est écrit dans votre version. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, on dit que tu crains Dieu lorsque tu hais le mal. On dit que tu crains Dieu lorsque tu t'éloignes de l'iniquité. On dit que tu crains Dieu lorsque tu hais le péché. D'accord? Vous suivez? Donc, ce que la Bible appelle par crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et dans le livre du Proverbe, il est écrit et à maintes fois, à maintes reprises, que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, on sait qu'un homme est sage lorsqu'il commence à fuir le péché. Mais vous voyez comment les gens disent, les grandes personnalités de cette république, les grandes personnalités qui ont fréquenté, les grands juristes, les grands académiciens, où un homme trompe sa femme, avec une petite fille. Les grands religieux, après vous allez voir, respectable, vous entendez un homme respectable, honorable, gars des députés, des ministres, vivent dans l'iniquité. Et la Bible déclare que c'est le commencement de la sagesse. Après, quand tu vas lui parler dans tous les domaines des linguistiques, il va te balancer avec la philosophie depuis longtemps, parlant d'Hérodote et tous les autres Socrates. Mais il n'a pas encore commencé. C'est pour ça que c'est la folie pour Dieu. Donc Dieu a tellement rabaissé ça au niveau de voici le péché fuit, que voilà la sagesse. Là, il croit que la sagesse, elle allait fréquenter, connaître tout le diplôme. Donc être sage, ce n'est pas d'avoir le PhD. Ce n'est pas ça, être sage. Être sage, par exemple, c'est que si quelqu'un te dit mouf, tu dis que Dieu te bénisse. Tu es sage. Tu sais, frère. Voilà, c'est ça la sagesse. Alors, dans ce proverbe, chapitre 8, verset 13, il dit dans cette partie A, il dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc Dieu vient de donner la définition de ce que lui l'entend par crainte de l'Éternel. N'est-ce pas? Puis maintenant, il nous donne une promesse en posant des questions pour nous qui nous sommes ici. Il dit que parmi nous, quel est celui qui craint l'Éternel? Qu'il sache que s'il craint l'Éternel, l'Éternel va lui montrer la voie qu'il doit choisir. Quelle promesse, frère? Autrement dit, quel est l'homme qui s'éloigne du péché? Quel est l'homme qui se sépare du péché? Il doit trouver la voie que Dieu a tracée. C'est ce que Dieu vient de dire. Donc, autrement dit, tu vas t'embourber avec le péché, cherchant la face de Dieu, avec la voix, pour chercher qu'est-ce que tu as prévu pour moi. Il ne répondra pas. Tu n'auras pas. Parce que tu en es associé à Dieu, les yeux étrangers, pour aller le servir. Point de Dieu étranger devant le Seigneur. Vous comprenez la nécessité de la séparation, frère. Donc, il faut qu'on rompe avec toute espèce de choses que nous savons de façon claire que ceci n'est pas la volonté de Dieu. Il faut qu'on s'en arrête. À moins qu'on veuille s'embrouiller comme Israël, en croyant qu'il suffit d'aller célébrer les sabbats. Il suffit d'aller à la fête solennelle, on fait, tout le monde est en forme, on coupe le sang. Comme il ne voit pas comme Dieu envoie une langue, il lèche le sang, il croit que c'est comme ça que ça se passe. Vous suivez, frère? Il faut donc la séparation. Il faut qu'une ligne de séparation aujourd'hui, il faut que chacun de nous dise que ce soir, ça en est terminé avec cette chose que je m'en débattais avec chaque année. Je vais en découdre avec ça aujourd'hui. Cette chose qui crée obstacle entre le Seigneur et moi. Ça, je vais en découdre. Prenons le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, voir. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens. Que Dieu vous bénisse. Ou est-ce que vous êtes déjà ancien dans le jeûne ou quand vous commencez, ça ne vous dérange même plus, non? Hein, frère? Priez. Dieu va vous toucher. Priez. Ne jeûnez pas pour dormir. Ne jeûnez pas pour faire des futilités. Ça sera la grève de la faim. Vous allez brûler les neurones pour rien. Brûler les graisses pour rien. Le jeûne doit faire dormir la chair et réveiller l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 7, le premier verset. Qu'est-ce que ça dit, mon frère éveillé? Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Vous avez suivi ce qui est écrit? Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Purifions-nous de toute souillure de un, et de l'esprit. J'aimerais bien rester là-bas dans le souillure de la chair, vous connaissez tout ce qu'on peut citer. Qu'est-ce qui peut toucher à votre esprit? Lorsque vous entendez ou voyez, souvenez-vous, dans l'une des prédications, si je vous ai dit, les cinq sens sont les portes du péché. C'est ce que Éphésiens chapitre 5 parle de la chair à les désirs contraires à ceux de la chair, à ceux de l'esprit. Donc, on en a parlé là-bas des cinq sens. Les cinq sens. Si vous perdez votre cinq sens, vous ne pouvez pas pécher. Alors, c'est quoi donc le souillure de l'esprit? Nous allons voir cela, Dieu voulant, au courant de ces jours-là. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit que Dieu nous a donné certaines promesses. Certaines promesses. Vous remarquez que dans le livre des 2 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens que vous avez lu là. C'est ça? Au 7. Au chapitre 6, Dieu dit d'abord au verset 14 là-bas, en montrant clairement qu'il ne doit pas avoir de communion entre les ténèbres et la lumière. Qu'il n'y a pas de communion entre Christ et Bélial. Qu'il n'y a pas de communion entre l'infidélité et la justice. N'est-ce pas? Puis il dit que nous sommes dans son peuple, selon que Dieu a dit, sortez du milieu d'eux et séparez. Et séparez, vous notez cela, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 17. La séparation. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 17. Ça va? Qui te dérange? Qui t'a dérangé? C'est Joyce qui te dérange. Donc vous voyez, dans ces 2 Corinthiens, c'est de là où ça part, pour que l'apôtre Paul commence dans ce chapitre 7, c'est ce qu'il a dit. Donc Dieu dit clairement à ses enfants, à lui, qu'il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a point de lien entre la justice et l'iniquité, entre Christ et Bélial. C'est ça, frère? Puis il dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Le Seigneur dit qu'on sait quoi? C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Lisons cela, pour terminer. C'est pourquoi? Sortez du milieu de oui. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Soulignez ça. La séparation. Remarquez seulement l'ordre des choses tel que c'est construit là. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit par la suite, frère? Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16 et 17, là maintenant. Oui. Verset 17 dit, mm-hmm. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Oui. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous avez vu, c'est dans le même ordre que le psaume 25, verset 11 et 12, on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel nous montre la voie qu'il doit choisir. Donc vous voyez effectivement que l'apôtre Paul a raison de dire dans le livre des Hébreux chapitre 4, que cette même parole si nous a été prêchée aussi bien qu'à eux. Vous allez suivre dans l'évangile, chaque fois vous allez voir que la même chose a été dit dans l'Ancien Testament. Dans le sens, c'est ce qu'il termine de vouloir dire. Il faut se mettre à part, se séparer de l'iniquité. Alors là, tu pourras avoir maintenant la voix de Dieu, l'orientation de Dieu. Vous suivez? Donc dans ces 2 Corinthiens chapitre 7, c'est pourquoi il a dit en ces 2 Corinthiens chapitre 7, après avoir fini là-bas, il dit donc, ayant donc de tes promesses, la promesse a été donnée de nous accueillir. Dieu a dit, séparez-vous, éloignez de vous de l'iniquité, je vais vous accueillir. Vous serez mes fils, je serai votre, mes fils et mes filles, je serai votre père. N'est-ce pas une grande joie d'entendre Dieu te dire, tu es mon fils. Aujourd'hui, ça, c'est pas ça, frère. Vous souhaiterez entendre cela, n'est-ce pas? Parce que vous entendez ça, vous avez la certitude, c'est la certitude la plus sûre, que vous êtes sûr de cela. Maintenant, Dieu dit ici que, séparez-vous, éloignez-vous d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, il dit, et je vous accueillerai. Dans le psaume 25, on dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? C'est-à-dire, quel est l'homme qui s'éloigne du péché? Dieu lui montre la voie qu'il doit choisir. N'est-ce pas? On a vu ce que c'est que la crainte de l'Éternel. C'est donc pour cela que l'apôtre Paul dit que, comme nous avons de telles promesses, comme nous avons cette promesse que Dieu a donnée de nous accueillir, de nous appeler ses fils et ses filles, achevons notre... quoi? Il dit que purifions-nous de toute souillure. Il appelait ça souillure, n'est-ce pas? De toute souillure, de la chair et de l'esprit. Il nous montre la façon dont il faut le faire. Il dit que achevons cette chose-là, la suite de la chair et la suite de l'esprit. Il dit pas. On achève ça par quoi, frère? Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 7, là, verset 1. Par la crainte de Dieu. Donc, si il craint Dieu, il fait quoi? Il craint Dieu, il va le mal, il fait comment? Proverbe chapitre 8, verset 13, nous a dit, il dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, il faut que je m'en éloigne. Ouvrez le livre de Job. C'est les définitions là où nous sommes. Vous êtes dans Job, puisque nous sommes en somme tout à l'heure. Là. Il y a même plus seulement quels sont les versets que je vous ai dans la. Ça ne fait que sortir là. Job chapitre 28. Vous y êtes? Job 28, verset 28. Tu y es, frère? Job chapitre 28, verset 28, qu'est-ce que ça dit? Oui. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Oui. Si loin du mal, c'est l'intelligence. Amen. Vous avez vu cela? Dieu dit ça à qui? À l'homme. À l'homme, hein? À un homme autre que toi, n'est-ce pas, frère? Dieu dit ça à l'homme, comme papa Tani, comme ça, là. Comme le frère de Nassien. Pendant que je parle le frère de Nassien, maintenant, l'autre aussi me revient. Souvenez-vous de ceci. J'ai vu aujourd'hui, cette chose-ci, je ne sais pas comment vous pouvez voir ceci. J'étais en train de voir cette nuit. Vous savez, cette soeur dont je parlais du Canada, elle a vu sa part, ça sortait du bas. C'est-à-dire qu'elle a dit, vous étiez... Elle a vu que la terre s'est ouverte et les gens sont sortis avec des cornes en entrant au milieu de l'église. Il renvoyait les cornes à l'intérieur et s'habillait en habit normal comme tout le monde. Cette nuit, j'ai vu une certaine chose qui s'est passée. Ah frère, vous devez prier. Nous devons prier. J'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Et c'est une catégorie de c'est pas ça, je ne peux pas dire démon, je vais dire animal, mais c'était tel que j'ai vu. Ce sont les animaux qui sont descendus, c'est un style d'animaux, je n'ai pas encore vu sur cette terre-ci. Nuisible. Ça descendait. Et pendant que ça descendait, il n'y a pas la lumière. C'était dans une ténèbre, c'est un peu comme par exemple, vous serez dans une grande ville, et que c'est dans la nuit. Et que cette nuit-là, c'est comme si on a supprimé l'électricité, c'est-à-dire que dans les maisons, il n'y a pas de lueur de lumière. Vous me suivez un peu? Dans la nuit, par exemple, quand vous êtes loin, vous pouvez voir une maison ici, par là, avec la lumière, de part et d'autre. Mais là, il n'y a pas ça. Puis je vois maintenant, ce style d'animaux, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. La description, un peu, pour vous en donner. D'autres sont comme le chat, un peu comme le chat mélangé avec la panthère, un peu, mais nuisible. Il va citer trois catégories particulièrement qui m'ont marqué. Ce style-ci, c'est un peu comme le tigre, c'est pas le tigre. Un peu comme le chat, c'est pas le chat. C'est bizarre, mais quelle est leur mission? Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils tombaient sur les toits des chrétiens. Quand ils tombaient sur le toit, ils glissaient dans la maison. Vous suivez ce que je viens de dire? J'ai remarqué donc, il parle du frère Dounassé parce qu'il était là à l'intérieur, et un verge, le verge, c'est-à-dire qu'un genre de bâton, ce bâton-là est cylindrique, c'est rond comme ça, là, long, m'a été donné parce que j'essayais de toutes mes forces de détruire cet animal. Vous tapez n'importe comment, ça ne meurt pas. Ce n'est pas les grands, ce n'est pas les grands animaux, ce n'est pas les animaux colossaux. Quand on dit par exemple que c'est trop, ce sont des petits, petits, ils tombaient sur les toitures. J'ai remarqué que les toitures sur lesquelles ils tombaient, c'est les toitures des chrétiens. C'est sur les toitures des chrétiens. Et quand ils tombaient sur cette toiture-là, donc maintenant, ils se glissaient dans la maison. Et alors donc là, je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver sur la toiture. J'étais là pour les taper, qu'ils n'entreraient pas. Il y a un style qui était comme la chauve-souris, bizarre, bizarre vraiment. Une créature qui est venue tomber là, j'ai donné un coup de main, pas mais regarde comme ça, je tape de toutes mes forces, je ne meurs pas subitement, un verge est venu, ça avait cette verge là qu'il fallait les lapider. Quand il tape, tout tapait, pam, il s'est séparé. Et quand il s'est séparé, la partie de son corps continuait comme s'il était vivant. Vous savez, l'autre était comme les vers. Vous savez, quand vous piétinez les vers de terre, vous pouvez vous séparer. Vous voyez comment ça danse d'un côté et l'autre côté danse, continue à danser. Là, ça continue. Vous continuez, vous frappez ici, ça ne fait que se multiplier encore. Frère, les temps sont graves. Les temps sont graves. Et alors là, j'ai vu ces frères, je lui ai dit, frère, prends ce sceptre-ci. Tu peux frapper avec celle-là, commence à frapper maintenant. On pouvait les tuer de part et d'autre. Mais beaucoup disparaissaient, vous entrez dans la maison des chrétiens. On doit prier. Je crois qu'au sortir de cela, on va prier avec le psaume 74 pour les frères qui sont dans le monde entier. Regardez cela, il faut qu'on sorte ici, on prie. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je l'ai vu. Donc, il est temps qu'on prie, frère. Je vous dis quelque chose. Lorsque nous sommes sur la terre, nous avons des activités, pas vrai? Depuis que nous sommes, nous avons des activités, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà posé la question, depuis que Satan n'est pas avec Dieu, qu'est-ce qu'il fait journalièrement? Vous avez posé la question, qu'est-ce que Dieu et les anges font là-bas au ciel journalièrement? Vous pensez qu'ils sont fixes comme ça là? Ils attendent comme ça? Alors qu'est-ce que nous nous faisons sur la terre? Alors que l'attention des deux royaumes, c'est sur nous. L'attention des deux royaumes, c'est sur nous. C'est nous qui sommes l'enjeu. Lorsqu'on discute de la coupe des robes, de la coupe de n'importe quoi, de temps en temps, devant le président de séance, est déposé quelque chose, un trophée, pas vrai? Quand le match joue, ça se joue, on braque la caméra sur un objet. C'est quoi ça, frère? Le trophée. Ceux qui bagarrent dans les stades là-bas, les deux là, ils bagarrent à cause de ces trophées. Donc la lutte, c'est nous. Alors je pose la question. Depuis plus des millénaires que le mal et le bien sont en train de combattre, ils se focalisent sur qui? Et donc là, lorsque nous dormons, lorsque nous nous lassons dans notre travail, lorsque nous désobéissons au Seigneur, nous pensons que qui est en train de nous regarder, frère? Lorsque nous sommes dans le monde, dans leur territoire, ils sont infestés partout, dans les eaux, sous la terre, dans les airs où ils sont partout, dans les coins qui leur donnent la faveur de se manifester particulièrement, les boîtes de nuit, des lieux publics où il y a des amourages, s'appelait quand les gens vont pique-niquer là-bas à torse nu, les filles qui sortent enveloppées avec l'esprit de séduction, le corps leur sont favorables pour se manifester physiquement au milieu de nous. Et nous, chrétiens, nous sommes en train de dormir. Nous, chrétiens, nous sommes en train de dormir. Faisons attention. Le monument des 10 commandements aux États-Unis, ils ont fait tout et tout pour construire également le monument de Baphomet à côté avec le commandement de Satan. Où est-ce qu'on est en train de se diriger? En Californie, ils ont voté la loi, ils ont fait tout et tout la pression pour que, comme on dit déjà les 10 commandements aussi à l'école, qu'on cite aussi les règles sataniques à l'école. Et par conséquent, les satanistes ont sorti les pentagrammes que vous avez, les Baphomets, dans l'école. On enseigne aux enfants dans l'école le satanisme, l'initiation au satanisme, à l'école de façon officielle. Qu'est-ce qu'on en est préparé, frère? Donc, ne dormons pas. Ne dormons pas, d'accord, bien-aimés frères. Donc, ce Job, chapitre 28, verset 28, s'adresse à l'homme. La Bible déclare, et Dieu dit à l'homme. Dieu dit à l'homme. C'est là où nous sommes, n'est pas vrai? Dans ce livre de Job, chapitre 28, verset 28. Il dit quoi encore, Patanier? Puis il dit à l'homme. Oui. Voici, La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Vous avez vu ce que Dieu dit? Dieu attire l'attention de l'homme en lui disant que, en fait, toi, homme, sache que la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Maintenant, demander à un mondain ou bien un diplômé de Harvard, c'est que l'intelligence. C'est quelqu'un qui est perspicace pour pouvoir crier. Il est intelligent. L'enfant, c'est hyper intelligent. C'est un génie. Tu donnes n'importe quel exercice mathématique, il va trouver. Donc, voilà l'intelligent pour lui. Mais Dieu dit que c'est s'éloigner du mal. Que cet enfant-là sache, par exemple, respecter son père, obéir à ses parents. On dit que l'enfant-là est intelligent. Tu dis 1 plus 1. L'enfant dit 4. Tu t'es. Bah, tu es bête. Pourquoi comme ça, là? Dieu lui dit que c'est pas ça. Vous suivez, frère? C'est Dieu qui donne les définitions de ses propres mots. L'intelligence, si tu es intelligent, ça veut dire que tu t'éloignes du mal. Donc quand tu vois le mal, tu fuis. Tu es sage lorsque tu crains Dieu, c'est-à-dire que lorsque tu hais le mal. N'est-ce pas, frère? Nous avons compris la nécessité de se séparer. Nous comprenons la nécessité de se séparer, n'est-ce pas? Continuons dans l'autre livre de lecture initiale. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1. Nous étions au verset 13, où Dieu a dit clairement qu'on cesse d'apporter de vaines offrandes. Donc, ne prends pas des choses, tu touches le salaire, tu prends une partie, tu donnes à une seule, tu dis, je t'aime au nom de Jésus-Christ, en vivant dans le péché, ça ne marchera pas. Tu seras fait exactement comme les Juifs qui portaient des offrandes à Jérusalem, dans le sacrifice qui avait été ordonné, mais ne voulons pas réformer la voie. Ce sera bien sur le plan humain. C'est-à-dire que les hommes vont t'apprécier que non, le frère est gentil. La sœur est gentille, mais ce n'est pas l'appréciation de Dieu. Cherchons prioritairement l'approbation de Dieu. Vous savez vous-même, lorsque votre voix n'est pas droite devant le Seigneur, vous savez qu'il faut une réforme. D'où la nécessité de prendre du temps au niveau de Dieu, devant le Seigneur. Comme dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 58, dit, un temps que Dieu aime, un temps pour que sa voix se fasse écouter. C'est-à-dire que Dieu est attentif à notre voix. N'est-ce pas, frère? Donc ici, verset 13, il dit, cessez d'apporter des vaines. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 1, verset 13. Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en oreille l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Nous avons vu effectivement qu'il y a deux choses qui sont contraires. Dieu hait le mal, Dieu hait le péché, mais il aime les assemblées solennelles. Puisque la Bible déclare qu'ici, au milieu des louanges des enfants de son peuple, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si nous chantons de la bonne façon, il est au milieu de nous. Dieu n'est pas juste au milieu de nous. C'est pour cela que vous allez entendre ces choses-ci, où là on dit, deux ou trois sont là en mon nom, ici au milieu. Jésus ne peut pas être au milieu des gens qui parlent de son nom vainement. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas t'asseoir, tu dis que, comme je suis en train de mentionner le nom de Jésus maintenant, Jésus avec moi, ce n'est pas possible. Il faut au préalable qu'il y ait l'alliance avec lui par le sacrifice. Verset 14. Mon âme hait vos nouveaux lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Donc, Dieu en a marre. Ce qu'il veut dire. C'est vrai qu'on dit qu'ils ont célébré une année. Dieu n'a pas parlé. Ils croyaient peut-être qu'ils célébraient avec Dieu. Ils travaillent pour Dieu. Un peu comme on est entrés tous dans la religion comme ça, par notre façon de faire. Vous voyez, quand on parle de ces choses, on dit qu'on est trop Dieu, on est trop Dieu. On ne comprend pas parce qu'on dit, quelqu'un va dire, depuis des années, telle-là, elle fait comme ça, elle prie Dieu à Zeus. Mais souvenez-vous, il a été dit ce soir, le fait que Dieu a travaillé avec toi, qu'il exerce pour toi, ou bien. Dieu, vous avez eu d'une façon ou d'une autre à expérimenter sa grâce, mais pas dire qu'il en a terminé avec toi. Encore, grave encore, toutes les bénédictions ne viennent pas de lui. Les divinités étrangères accordent des bénédictions. N'est-ce pas, frère? Voilà. Regardez ici, il dit, quand vous étendez vos mains, verset 15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Si Dieu ne parle pas à un prophète comme ça, tu vas attendre ta main, comme dans ce livre d'Ézéchiel, Zacharie, chapitre 7, où ils ont dit à Dieu que pendant 70 ans, ils ont jeûné comme ça, ils ont mortifié leur âme pour rien. Là. Vous voyez, effectivement, notez également cela, vous allez lire Zacharie, chapitre 7, les 13 premiers versets. Ils ont passé de temps 70 années à jeûner sans réforme des voies, à jeûner sans séparation. Après, ils sont pleins. Il dit Zacharie, chapitre 7, verset 1 au 13. Et après, ils se plaignent au prophète. Quand le prophète vient prêcher, le fils de Béléka vient prêcher, ils disent, mais nous souffrons. Va dire au Seigneur, que est-ce que nous allons encore jeûner? C'est les jeunes encore des 5e et des 7e mois que nous faisons encore jeûner. Dieu a dit, hein, donc, ils étaient avec moi. Hein? Va leur dire aussi que, donc depuis que vous jeûnez à 70 ans là, c'est pour moi que vous jeûnez, enfant d'Israël. Ah, c'est pour moi, hein, ok. N'est-ce pas, il a dit pas écrit, donc il faut que vous obéissiez à mes commandements, vous arrangez avec les veuves, vous défendez les orphelins. N'est-ce pas ça, frère? Il faut qu'on rende justice. Tu ne rends pas justice, tu dis que, oh Seigneur, c'est un peu comme un magistrat qui aujourd'hui ira rendre justice. Il voit un malheureux qui est dans on en est accusé, le riche vient donner l'argent, il le condamne. Dimanche, il vient, il donne même le dîme de ça. Il donne, on chante, on prie pour lui, on dit que non, on donne de bons témoignages, il dit que non. S'il y a quelqu'un qui est fidèle dans ses dîmes, dans ses offrandes, Dieu va le bénir dans son travail. Et par ricochet, si on nomme les juges encore là-bas, le président, le nom, on croit que c'est pour cela qu'on a nommé, parce qu'il a bien donné ses dîmes, il dit que je suis fidèle dans mes dîmes. Souvenez-vous, ça n'a rien à voir avec le Seigneur Dieu, les amis. Ils ont jeûné 70 ans, Dieu n'était pas là. Ils ont fait jeûner même les enfants, les nourrissons jeûnés. Ça ne changeait pas. C'est quand ça ne changeait pas qu'ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a que nous crions chaque jour, ça ne marche pas. Ils ont demandé au fils de Béréka, à Zacharie, à Agé le prophète et Sophonie, de demander au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas. Le Seigneur dit, donc c'est pour moi que vous jeûnez. Hein. En fait, voici là où le jeûne commence. Observez les orphelins, les veuves, rendez justice, les étrangers, c'est les basiques que je vais te donner. Mais ça, sur la place publique, la vérité trébuche. Il y a de l'injustice, de l'iniquité qui crie par vous. Mais vous, je vous pensez que vous allez crier. Donc Dieu dit ici, verset 15, que lorsque vous étendez vos mains, il tourne le regard. Est-ce que nous voulons que Dieu nous donne cette sentence, frère? Donc il faut qu'on imite parce que les Juifs ont fait. On ne doit pas aller devant le Seigneur en emmagasinant quelque chose que Dieu est. Il faut donc la séparation. Il faut la séparation. Donc, dans ce moment de travail, de jeûne, observons donc les choses que nous devons, dont nous devons nous séparer. Vous entendez? Des choses dont nous devons nous séparer. Ça peut être des habitudes. Ça peut être des choses sur lesquelles vous vous appuyez. Il faut vous en séparer. Verset suivant. Verset 16 dit... Verset 15, c'est pas fini. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous me suppliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ça, c'est la sentence de Dieu. Pourtant, c'est son peuple. Vous voyez cela, hein? Allez dans la Bible, dans le livre de deux rois, un roi et deux rois, lisez l'histoire de ces rois, si Ozias, Jotham, parce qu'on a dit que cette parole-ci a été adressée au verset 1. Il a dit parole d'Esaïe, fils d'Admos, du temps des rois Ozias, Jotham. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Et tous les rois, là, allez lire, vous allez voir effectivement que durant ce temps-ci, Dieu se manifestait, mais il avait le reproche contre eux. Le dernier roi nommé Ézéchias, vous voyez effectivement, quand vous allez lire Ézéchias chapitre 38, c'est même Ézéchias chapitre 38, vous allez voir effectivement comment Ézéchias était malade jusqu'à ce que c'est venu insulter le peuple. N'est-ce pas? C'est à lui que Jésus, Ézéchias allait dire, prépare-toi, tu vas mourir, donne des ordres à ta maison. Vous vous souvenez? Et il s'est tourné, Dieu a dit qu'il s'est repenti. Dieu lui a dit que je te donne 15 ans. Regardez bien les bonnes choses qu'il faisait dans le pays. Mais regardez comment l'état du pays était. Il y avait la fête. N'est-ce pas, mes chers frères? Et qu'est-ce que ceci a amené? Une réforme bouleversante. Remarquez le livre des rois. Remarquez ce que Ézéchias a amené comme réforme. Juste à ce qu'ils ont célébré la part. Lisez le livre de 1 Chronique, chapitre 30. Regardez ce qu'il a fait là-bas. La réforme. Célébrer une part telle qu'il n'a jamais été célébré parce qu'il a écouté la voix du Seigneur. Donc, suivons la voix du Seigneur. Verset 16, maintenant, il dit lavez-vous. 1. Purifiez-vous. 2. Vous avez suivi? Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Donc si on agit mal, si on agissait mal, il faut qu'on aille devant le Seigneur, devant cela, et que ça s'arrête là. D'accord, frère? Donc la séparation dans nos façons de faire, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. La séparation dans nos conduites. Il y a des conduites que vous posez, vous savez vous-même, après avoir proposé ces conduites, que ce n'est pas digne du Seigneur. Lorsque vous baissez la tête, vous dites, Seigneur, j'ai fait blasphémer votre nom. C'est de ça dont il est question. Vous suivez, frère? Psaume 34. Dans la suite, vous savez ce qu'il est dit là-bas. Il dit que si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Le chapitre 34 des Psaumes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Psaume chapitre 34. Vous y êtes. Et venez à partir du verset 1. Et que vous allez suivre la joie, les desseins et les volontés de Dieu qui y sont contenues. Je vais lire à partir du verset 1. Et vous allez suivre la joie, les desseins de Dieu et les volontés de Dieu qui y sont contenues. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Vous y êtes? Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Laissez ça attentivement, attentivement. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. C'est un être humain qui parle, n'est-ce pas, frère? Souvenez-vous, le Dieu que nous servons, toutes les actions que toi tu as eu déjà à faire, toutes les pensées que tu as eu déjà à avoir, les pensées impures et pures qui ont traversé ton esprit, il est au courant. Souvenez-vous, il est au courant et il sait si on le cherche de la bonne façon, oui ou non. C'est pour ça qu'il doit lui-même nous donner les directions, comment faire, parce que la Bible déclare que qui de lui-même peut s'approcher de lui. Si c'est pour s'approcher, vous voyez que s'il laisse l'humanité, comme ça qu'on le recherche, vous voyez là où ça nous a abouti. Vous voyez, autant des apôtres, quand il a laissé, comment les Grecs ont fait, ils ont conçu plusieurs divinités là-bas. Jusqu'à ce qu'ils sont dépassés, ils ont dit les noms étaient finis, ils ont dit un Dieu inconnu. Donc en fait, ils cherchaient, parce qu'ils n'ont pas encore connu le vrai Dieu. Donc il a voulu qu'on cherche à tâton, mais maintenant il s'est révélé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit qu'il s'est révélé. Puis, pendant qu'il est encore là, le Fils, il dit personne, justement, même ne le connaît lui-même. Si ce n'est le Père. Pourtant, il est au milieu. Ou bien celui à qui le Fils veut le révéler. Et dans ce Jérémie, donc, il dit que qui peut de lui-même s'approcher de Dieu? Vous voyez qu'il doit nous attirer, n'est-ce pas, frère? Mais dans il dit verset 5, donc, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Donc, il y aura un salaire pour notre recherche. Il y aura un salaire pour notre recherche. N'essayez pas d'aller tourner ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il va vous bénir. Il y a plus de bénédictions que d'entendre la voix du Seigneur. C'est au-delà des bénédictions qu'on puisse nommer. Parce que la voix du Seigneur qui vous donne la direction dans tout ce que vous allez faire va vous donner la paix éternelle. La paix perpétuelle pour savoir que je suis en train de faire exactement ce pourquoi je suis censé faire. Et je suis en train de réjouir le cœur du Créateur des cieux et de la terre. C'est pour cela que le meilleur travail que l'un homme puisse faire, c'est d'être appelé ministre de l'Évangile, c'est-à-dire au service du Seigneur. C'est le plus bon du travail. C'est vrai qu'à vue d'œil, au sens humain du terme, ça n'a pas de sens. Parce qu'on souhaiterait que lorsque tu... Frère Junior, tu es devenu quoi? Je prêche la Bible. En dehors de la Bible, tu prêches quoi? En dehors de la Bible, quand il n'y a pas de temps, je prêche la Bible. Vous suivez, n'est-ce pas? Ça dérange. On aurait souhaité qu'on dise que je bosse dans un grand cabinet. Cabinet là-bas, je suis comptable là-bas. Je suis avocat au barreau du Cameroun. On dit que voilà, le garçon là a réussi sa vie. On dit donc qu'il a réussi sa vie. Souvenez-vous de ceci. Celui qui a réussi sa vie, c'est celui qui a été à la position où Dieu l'a mise et il a fait exactement ce pourquoi Dieu l'a appelé. Il l'a donc réussi. Pour les hommes, il peut avoir échoué. Mais le vrai problème, c'est que ce ne sont pas les hommes qui te jugeront à la fin des temps pour te dire si oui ou non tu as accompli ton dessein. Parce que les ministres meurent là, le lendemain, on nomme un autre à leur place, ils continuent le même tâche, pas vrai? Il vient à la tombe, on dit qu'on te donne les médailles à titre posthume. Mais quand tu étais vivant, on t'accusait de vol. Alléluia. On te donne à titre posthume. On dit à sa veuve que non, on va s'occuper de toi, on va s'occuper de toi. Quand vous sortez là-bas, quand les caméras quittent, c'est terminé. Dans 3 jours, on vient avec la voiture, le camion des militaires pour dire, vous savez, quand on nomme les gens, on dit que les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Ça, c'est tant qu'il est en service. Il a droit à cet avantage. Quand il meurt, l'avantage finit. La voiture garde dehors, commence à prendre les choses de cette femme-là qu'on a dit hier, qu'on doit se mettre dehors. Que sort, c'est la maison de l'État. Tu pleures, comment vous êtes méchant comme ça? On ne te gère pas. C'est ça, les hommes. Mais le Dieu que nous servons, lui, il est fidèle. Le prophète ici dit que lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Donc notre Dieu, assurément, si nous le cherchons, il va nous répondre. Et quand nous allons le chercher de la bonne façon, il va nous répondre, nous serons plus que joyeux. Quand le Seigneur Jésus-Christ était mort et qu'il était en passe donc pendant les 3 jours qu'il était dans cette mort-là, à prêcher et à faire tout ce qu'il avait à faire dans l'au-delà, c'était les moqueries sur la terre. Où est la promesse? On a dit qu'il a fait comme ça. Les gens disaient, jusqu'à ce que ça a même découragé même les propres disciples à qui il parlait cela. Mais pourtant, il leur avait dit que je vais partir, je vais revenir, vous me verrez, et votre joie sera parfaite. Personne ne pourra vous ravir de cette joie. C'est de ça dont il est question. La rencontre avec le Seigneur ressuscité. Quand c'est là, tu sais en qui tu as cru. Il vous le dit, pendant qu'on a parlé, ça fait pan là, la porte s'ouvre. Il y a des gens qui vont se dire sous la table. Il vous le dit. On va chercher le frère Junior, c'est encore nous pose des questions. C'est lui qui est debout là. C'est même lui qui m'a invité ici. J'ai passé, essayé de rater la maison, je suis entré seulement. Fais-moi passer. Quand vient un de ces jours, quelqu'un, on met la main au sol, même en même c'est le pistolet en plastique. On dit que qui c'est Jésus? Si vous allez voir si on va lever la main encore. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour le Seigneur? Vous savez, il y a un état au Nigeria. Je ne sais pas si on n'a pas fini le cours ici. Il y a un état au Nigeria, on appelle Kogi State. Quand vous voyagez entre Abuja et Lagos, on traverse dans un endroit, on appelle Kogi State, dans un état Kogi State. Il y avait vous appelez des coupés de route, ceux qui viennent bloquer les routes souvent. Là-bas, vous pouvez voyager dans une vaste forêt comme ça, même pendant toute une journée, vous ne rencontrez pas une maison, vous êtes dans la forêt. Donc si on vous arrête là-bas, on bloque la voiture, on a tout le temps de vous tenailler. Alors il y a des chrétiens qui voyageaient là-bas. Enfin, la voiture, les bus qui les transportaient étaient mélangés. Et les musulmans, enfin, ils étaient mélangés. Mélangés, donc il y a tout là-dedans. C'est la carte qu'on lance le commentaire sur tout, tout le monde est dedans. Sur Jésus, ça barde. Sur Dieu, c'est grave. Alors ils sont arrivés quelque part, les gens ont braqué la voiture. Avec les armes là, bien armées. Les braqueurs ont dit, c'est le coupé de la route, c'est ça? Ils ont dit, sortez, tout le monde est descendu avec la tête, la main sur la tête. Puis il dit, vous savez, quand vous voyez les fils de nous, vous savez que c'est les nordistes, les gens des arabes. Il dit, ceux qui sont les chrétiens, à gauche. Ceux qui sont les musulmans, à droite. Même les païens qui étaient, enfin, soit tu es musulman, soit tu es chrétien. Les païens qui étaient là-bas observaient le visage, ils disaient non, ici il faut choisir un camp, mon ami. Alléluia. Ah, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Dieu, c'était seulement pour vous encourager à tenir ferme pour le nom du Seigneur Jésus. C'est vous savez aussi ou non, là où votre cœur est attaché, là où votre trésor. Alors les mondains regardaient, il y a les mondains qui regardaient comme ça, quand ils voyaient les gens sur les musulmans, ils vont du côté musulman. Il dit, mon ami, je ne suis pas chrétien. D'abord, on discutait sur Jésus dans la Bible là-bas. Il leur a dit que Jésus était seulement un prophète. Il disait que Jésus est fils de Dieu. Il dit que dans le Coran, il dit que Dieu n'a pas de fils, il n'a jamais engendré, il n'engendre jamais. Ils sont allés du côté droit des musulmans. Il y a des chrétiens là, il y a un chrétien qui a senti que c'est grave. Quand il est sorti, on s'est dit que non, je n'étais pas chrétien. Il m'a seulement forcé. Il allait du côté musulman. Un homme seul est resté de l'autre côté, de ce côté-ci là, chrétien. Il est couché au sol comme ça, il a dit que je suis chrétien. Il demeure chrétien, il ne réunirait pas ma foi. Amen. Puis quand on a fini de faire la séparation, il dit, vous êtes sûr que vous avez pris le bon camp? Chacun a dit, oui. Ils sont tournés vers les musulmans, le camp des musulmans. Il dit, c'est vous qui dérangez dans le pays ici. Couchez-vous. On dit que celui-ci part. Vous savez ce que ça peut faire, frère? Alors, ça veut dire que les gens qui avaient dit qu'ils étaient chrétiens, quand ils vont mourir là, c'est où ils sont? Souvenez-vous de Matthieu, je peux dire, celui qui me régnera devant les hommes. Je le régnerai. Pourquoi? Parce qu'avec son jugement, il a vu que les gens avaient l'attitude des musulmans. Qu'en jouant le camp des musulmans, il sera protégé. Parce qu'il voulait protéger. Jésus a dit clairement, ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront. Mais ceux qui perdront leur vie à cause de moi, la retrouveront. Donc même s'il a dit que tu vas mourir. C'est prophétisé dans la Bible que Satan jettera certains d'entre vous en prison. Attends, parce que même certains de vos frères qui seront mis à mort. Donc quand on dit que je me bloque par le Saint-Esprit, quand je chicotais la faute de Paul, le Saint-Esprit ne subissait pas ça. Il a dit que 40 coups moins on m'a frappé 5 fois. Quand on frappait, pas, c'est pas le Saint-Esprit qui criait, aïe. Ce n'est pas Paul rempli du Saint-Esprit qui criait, aïe. C'est Paul qui priait. Vous comprenez cela? Pourquoi? Pour qu'on soit digne de recevoir le royaume de notre Père. Donc tenez ferme avec le Seigneur et pour le Seigneur. Dans ce psaume 25, donc, psaume 34, David dit au verset 5, il dit, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Il dit, quand lorsqu'on tourne vers lui le regard, oh mon Dieu. Nous sommes prêts à tourner vraiment le regard de la bonne façon, n'est-ce pas? Souvenons-nous, nous n'allons pas gêner pour la grève de la faim. Faisons ce que le Saint-Esprit nous demande, séparons-nous de ce qu'il doit être séparé. D'accord? Permettez-moi de trouver mon psaume, le psaume 34 là, on avance. Verset 6, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Donc, toutes les fois que nous avons crié, il a entendu. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui vivent sur la terre. Hein, frère? Ouais, que là, lorsque les gens boivent le vin, lorsque c'est déjà à la lit, chacun dit que nous sommes tous ses enfants. Il y a Dieu en toi, il y a Dieu en moi, il y a Dieu en nous. Dieu c'est qui? Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. Il faut la délivrance seulement aux humains. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui. Et d'après ce que le Saint-Esprit nous a dit aujourd'hui, il nous a enseigné ce que c'est que la crainte de Dieu, du Seigneur, n'est-ce pas? Il nous a donné la définition dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 13, que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Donc l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur, donc de ceux qui haïssent le mal, de ceux qui haïssent l'iniquité, de ceux qui fuient le péché, de ceux qui se séparent du monde. L'ange du Seigneur campe autour d'eux. C'est ce qui est écrit, frère? Voilà. Santé, il dit, c'est pas fini, verset 8 là, et il les arrache du danger. Donc ça veut dire que celui qui crée le mal, qui fuit le péché, se met automatiquement sous la protection du Seigneur. Ce n'est pas visible. Vous pouvez ne pas voir. Mais sa main est là pour nous délivrer de toutes les détresses. D'accord, frère? Puis il dit, verset 9, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Soulignez, frère. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ah, c'est merveilleux. Tout à l'heure, Jésus dit quelque chose ici. Et c'est ce que le prophète dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21. Là. Il dit, heureux celui qui cherche en lui son refuge. Si tu vas confronter un sorcier, tu dis que tu ne peux rien me faire et que tu vis dans l'iniquité, comment tu vas t'en sortir devant lui? Lorsque les démons qui vivent avec toi vont révéler à ces sorciers-là que voici la porte d'entrée, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Il dit, heureux celui qui trouve en lui le refuge, son refuge. Souvenez-vous de ce psaume-là, de ce psaume 18, verset 10, de ce proverbe chapitre 18, verset 10, que le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Le nom du Seigneur. Et le vrai problème, c'est que il dit, quiconque invoque son nom, qui s'éloigne de l'iniquité? Quiconque. Dieu, c'est toi. Dieu, c'est moi. J'ai prié Dieu. Tu pries Dieu, tu pries Marie. Tu pries Dieu, tu vis dans l'iniquité. On essaie d'endormir sa conscience. Ça ne doit pas être comme ça. La Bible déclare, je vous ai donné ce verset aujourd'hui, de Timothée chapitre 2, verset 19, vous avez noté. Il dit que quiconque prononce son nom, qu'il s'éloigne de l'iniquité, parce que son nom, c'est le nom qui délivre de l'iniquité et nettoie l'iniquité. Donc, tu ne peux pas prononcer son nom en vivant dans l'iniquité. Tu ne peux pas, personne ne peut rendre le nom de Jésus-Christ, ne peut pas amener le propre sur le nom de Jésus-Christ comme ça. Et vous allez libre. On ne peut pas prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous vivez dans l'iniquité. Ça vous donne pas pour vous en sortir. C'est donc pour cela que le démon va te questionner un de ces jours de quel Jésus tu parles. Puis maintenant, le verset, le meilleur verset, il dit, craignez l'Éternel, vous... C'est saint. C'est. Saint. Tu es saint? Oui. Il veut dire, éloignez-vous du mal. C'est ça, non? Ce qu'on a vu aujourd'hui. Craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Souvenez-vous de cela, ce n'est pas le langage. Il n'est pas en train de dire que vous, les saints, ayez peur de Dieu. Non. Parce que la peur n'est pas dans l'amour. D'accord? C'est quand vous respectez votre père, quand le papa dit, ne sortez pas à partir de 22h. Ce n'est pas parce que vous avez peur de lui, c'est par respect pour lui. Le respect en du fait que vous reconnaissez la position de l'autorité que lui, il a. Et donc là, vous vous soumettez à ce qu'il a dit comme ordonnance. La Bible déclare que craignez l'Éternel, vous, c'est saint. Craignez l'Éternel. Nous avons vu tout au long de cette soirée, c'est ce que veut dire craignez l'Éternel, n'est-ce pas? Donc, vous, les saints, éloignez-vous du mal. Vous, les saints, haïssez le péché. Vous, les saints, séparez-vous du péché. Dis à ton prochain. Dis à ton prochain, séparons-nous. Le premier point, c'est quoi? Le notre du 7 points, le premier point, c'est? La séparation définitive. Définitive. Deuxième point? Effective. Troisième point? La libération par le pardon. La libération par le pardon. Donc, tout au long de ces soirées, nous avons vu principalement la séparation. Et souvenez-vous, il a été dit que ça doit être la séparation définitive. Donc, on en finisse avec. On en finisse avec. Regarde ce que le prophète a dit là. Que si le Seigneur nous préservait une seule postérité, une petite postérité, nous serons tous comme Sodome et Gomorrhe. Verset 19. Vous aurez le temps de lire tout cela. Verset 19 dit... L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Oh mon frère, qui veut vivre dans la volonté parfaite du Seigneur Dieu du ciel? Tous sans exception, nous voulons vivre comme ça. Si on veut avancer avec le Seigneur, il a dit que si quelqu'un ne meurt en lui-même, il ne peut pas avancer. Mourir en soi-même, c'est pour que ce qui est du monde avec toi, vous devez vous en séparer. Il faut qu'on s'en sépare avant d'arriver de l'autre côté. D'accord, frère? Prenons donc enfin le psaume 74 qui va nous conduire dans la prière. La prochaine séance, Dieu voulant, nous allons lire les deux autres psaumes, psaume 50 et 51. Nous allons avancer sur le deuxième. Merci Seigneur. Je dis seulement merci au Seigneur. Je dis vraiment merci au Seigneur qui lui a plu que ça soit dévoilé ici. Parce que je vous ai dit toute la journée depuis. Et puis, Seigneur, lequel, ces jeûnes-ci, ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi? Jusqu'à ce que ça vienne là. Donc, nous allons évoluer là-dedans. Souvenez-vous, premier principe, vous devez vous séparer. Comme on a vu ce soir, n'avancez pas avec le Seigneur, sachant que vous avez des choses qui sont votre handicap. Finissez avec. Ce que vous pouvez finir avec, finissez avec que ça soit définitif. N'y revenez plus. S'il y a quelque chose à faire, s'il y a quelque chose à en découdre, il faut que vous en découziez avec ces choses-là. Mettez un point final, un stop là, pour arrêter et avancer. Sinon, vous n'allez pas avancer, sinon vous allez tourner en rond comme les Juifs là. On avance. Psaume 74. Ah mon Dieu. Psaume 74. Pourquoi Dieu rejette-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pasteur? Souvenez-vous, ce n'est pas David qui a écrit ça, c'est le prophète Asaph. Donc, il ne faut pas qu'on commence à accuser David, parce que David sait qu'il ne rejette pas toujours. Mais un autre ministère s'est mis en place où les gens ont commencé à quitter le Dieu de David. Et Dieu a commencé à reculer, manifester certaines choses pour qu'ils comprennent que quelque chose ne va pas. Alors, le prophète a commencé à s'exclamer. Pourquoi? C'est une chose qu'il a dit là. Verset 2. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Vous voyez effectivement l'état de délabrement où l'Israël se trouvait. Or, le signe de la présence de Dieu, justement, c'est ce sanctuaire-là. Sion, le lieu de résidence du Dieu des armées. Voilà maintenant qui est dévasté. Le prophète Asaph est en train de louer avec tous ceux qui étaient attachés au service des louanges dans la maison de Dieu. Ils sont en train de louer en priant Dieu de se manifester encore dans le temple afin que le peuple soit en joie. N'est-ce pas notre époque? N'est-ce pas notre époque, frère? Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. En plein milieu du temple, ses adversaires ont rugi. Les adversaires de Dieu, au milieu du temple de Dieu. En plein. Enfin, vous avez suivi la vision de cette sœur-là. Les satanés se trouvant dans le temple, bien. Souvenez-vous, quand il vient, il ne prêche pas Jésus, que Jésus n'est pas de ressuscité, non. Il ne vient pas, il ne prêche pas que Satan est votre main, non. Il prêche Jésus. Et la Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 21, Jésus a dit que, faites attention, plusieurs viendront, ils vont dire que c'est moi. Et le temps est proche. Ils vont dire qu'ils vont prêcher sur l'enlèvement. Jésus a dit cela. Que les gens vont venir prêcher. Les satanistes vont venir, les faux vont venir prêcher sur la venue du Seigneur Jésus. C'est ce qu'il écrit dans votre livre. C'est pas ça, frère? C'est vrai, ça, frère? Ok, maintenant, si vous me regardiez comme ça, on devait aller vérifier. Donc, Jésus a dit que les gens vont venir prêcher en son nom en disant que c'est moi et le temps est proche. Pour dire que préparez-vous rapidement, le temps est proche. Jésus a dit que les messages seront prêchés. C'est pour cela que j'ai dit que vous pouvez prêcher sur l'enlèvement. Vous n'y allez pas. Vous pouvez prêcher sur la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il vient, vous ne savez même pas quand il va venir. Vous pouvez prêcher sur le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu ressuscité des morts et il ne vous connaît pas. Vous savez ça? Vous pouvez prêcher toutes ces choses, toutes ces doctrines-là, sans qu'ils ne vous connaissent. Parce qu'il ne s'agit pas de prêcher ce qui est vrai. Il s'agit dès le départ d'avoir été choisi, envoyé par lui. Amen. Il faut qu'on fasse attention. Donc les gens vont prêcher. C'est pour cela qu'il y a plusieurs désobéissances claires des chrétiens de cette époque. Vous allez entendre quelqu'un va dire que l'homme-là est un faux serviteur de Dieu. Je me dis que ça me dérange. Comment quelqu'un peut être un faux serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu ne peut pas être faux. Soit il est serviteur de Dieu, ou il n'est pas serviteur de Dieu. C'est parce qu'en réalité, on a négligé les Écritures. L'apôtre Paul avait dit dans Actes chapitre 20, il a dit que je sais qu'après mon départ, ils s'introduiront au milieu de vous. Ils s'élèveront du milieu de vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il faut qu'ils soient au milieu. Regardez ce qu'Assemblée dit. Ils seront au milieu de vous. L'apôtre Pierre dit, dans 2 Pierre chapitre 2, il dit qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y a eu. Parmi le peuple des faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur un huron soudain. Puis il dit, plusieurs les suivront dans leur égarement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc en clair, sur la scène se trouvent des véritables docteurs ou un passatan assidus à la lexicologie biblique. Connaissant et décortiquant, souvenez-vous, les gens qui enseignaient les vrais logos initialement, ce sont des païens. Érogène, Chrysostome et autres, Justin, ce sont des païens assidus à la philosophie grecque. Donc, ils connaissent bien la langue grecque. Et par conséquent, ils peuvent enseigner en disant que parler veut dire la léo, ceci veut dire logos, l'autre veut dire rebas. Ce n'est pas ça dans les questions. Il s'agit d'être envoyé par Dieu. Donc, en plein milieu de nous, se trouvent donc des loups. Donc, le discernement, ce n'est pas au niveau de est-ce qu'il parle de Jésus ou ne parle pas de Jésus. Ce n'est pas de ça dont il est question. Vous suivez? C'est pour cela qu'il faut nous entrions dans la dimension de l'esprit. Parce qu'il vient avec la chair, il voit les gens dans la chair, mais ils ont des réunions d'esprit. Ils ont des réunions où ils reçoivent des ordres. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, il dit qu'au dernier jour, l'esprit dit expressément qu'au dernier jour, plusieurs abandonnent la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Donc, il y aura les enseignements démoniaques en milieu chrétien. C'est l'Esprit qui a dit, de façon exprès, pour vous dire, faites attention, il y aura des enseignements démoniaques en milieu chrétien. Donc, le chrétien d'aujourd'hui devrait dire, un, qui sont ces docteurs dont la Bible parle? Quels sont ces enseignements dont les démons sont censés inspirer? Vérifiez cela à la lumière de la parole de Dieu. Et ici, je vous avais dit dans l'un des enseignements, il ne faut pas de sentiments, même si c'est ton frère. Parce que tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur de ton frère. Quand quelqu'un est sorcier, ou encore le démon a envoyé, vous n'avez pas le choix. Ce n'est pas ton ami. C'est terrible. Vous pensez que Simon, il parle de Judas maintenant, son père qui s'appelait Simon. Vous savez que son père c'était Simon, n'est-ce pas? Vous pensez que le père de Judas, ou la mère de Judas qui donnait le sang, non. S'il savait que c'était un démon, il continuait à donner. Il dit que le père de, la mère de Judas Iscariote, le jour qu'il tétait le petit Judas, Judas regardait comme ça. Maman, il veut téter. Elle fait comme ça, non, il tète. Vous pensez que si sa maman avait la révélation, c'est un démon. Il devait aller quelque part dans un champ, l'abandonner là-bas. N'est-ce pas, frère? Il a tété élevé. Le moment venu, il s'est manifesté. L'être qui est à l'intérieur là-bas, c'était l'ennemi juré du Seigneur. Le moment est arrivé, il a fait ce qu'il avait à faire. Et remarquez qu'il était au plein milieu des frères. En plein milieu des apôtres. J'imagine même que les apôtres ont dû faire des confidences avec lui que Judas. Quand on marche là, ma mère, tu as vu comment on a terrassé les démons là. Lui met à l'intérieur de lui, il regarde, oui, tu as terrassé bien, tu parles. Amen. Wow. Verset 4 de ce chapitre 74. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Vous voyez ce qu'il dit? J'ai dit que ce que la sœur là, frère, va nous indiquer. La prière, pas vrai? Et lorsqu'on lirait le chapitre 74 des Psaumes, ça va nous donner la prière. Regardez. Les adversaires ont rugi au milieu du temple. Ils ont établi le signe, leur signe. Si ce n'est pas l'époque de l'église ici, je ne sais pas ce qu'il en avait. Alors, toutes sortes de miracles, toutes sortes de choses sont faites au milieu de l'église aujourd'hui. Et les gens prennent ça pour le miracle de Dieu. Parce qu'ils ont dit, l'important c'est que il y a miracle ou il n'y a pas miracle. Ce n'est pas le miracle qui est le problème. C'est la personne qui fait le miracle qui est le problème. Il dit qu'ils ont établi pour signe leur signe. Donc Dieu a été mis à l'écran. Il a quitté parce que le prophète Hassan a lui demandé de faire en son entrée dans son temple, son lieu de résidence. Donc pour dire que Dieu a quitté le sanctuaire. Quand il a quitté le sanctuaire, on a dû supplier. Le prophète Hassan a la révélation que ce qui en s'est manifesté au milieu du temple n'est pas l'esprit de Dieu. Alors là, il demande au Seigneur de venir prendre le contrôle. Regardez ici, il dit... Tes adversaires, verset 4, ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi. Quand on dit établi, c'est quelque chose qui reste, qui demeure, qui prend leur possession. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un entre, la cognée, c'est la hache. Comme ils entrent dans la forêt, ils commencent à couper l'arbre. Ils coupent l'arbre. La forêt était dense, ils ont abattu tous les arbres. Autrement dit, ils ont paralysé la vie chrétien. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures. Vous avez vu cela? À coups de haches et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané ta demeure, la demeure de ton nom. Vous suivez, frère? Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Verset 9, nous ne voyons plus nos signes et il n'y a plus de prophètes. Frère, si vous voulez lire le livre des prophètes et voir ce qu'eux, ils voyaient dans les yeux en regardant. Si vous pouvez voir le prophète Nahum se tenir là-bas, avoir la vision, l'écran qui se présentait devant lui, voyant la ville de New York et les voitures qui circulent, et regarde en disant c'est quoi? Le Saint-Esprit lui dit que prends ta plume et écris dans la Bible, et puis dis à New York ce qui va lui arriver, aux États-Unis ce qui va arriver dans la Bible. Et vous lisez dans la Bible, vous entendez le Saint-Esprit parler que New York, Los Angeles. Vous dites, frère Junior, où est-ce que c'est écrit? C'est dans votre Bible noir et blanc. Noir et blanc dans votre Bible, ce qui va arriver. Alors, vous pouvez lire ici et prophétiser. Parce que c'est quoi? C'est ainsi dit le Seigneur. Ça se trouve dans la Bible, écrit noir et blanc ce qui va arriver. Vous pouvez lire la Bible au septentrion, lire. Regardez ce qui arrivera. Dit exactement ce qui arrivera au septentrion. Suivez ça, frère. Ha! Il dit, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Voyons-nous le signe de l'Église? Voyons-nous le signe de l'Église? L'Église vit-elle le signe de la présence du Messie au milieu d'elle? Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Et le Saint-Esprit met des points de suspension. C'est-à-dire que nous sommes comme ça, dans le désarroi, et nous ne savons pas jusqu'à quand cela va durer. C'est pour ça que le prophète Asa va le dire au verset 20. Disons le verset 20 rapidement. Regardez. Est égard à l'alliance. Remarquez bien que ça termine par un point d'exclamation. Vous avez remarqué? Est égard à l'alliance. Il veut dire, Seigneur, souviens-toi de l'alliance. Parce que c'est ici le vrai problème. Il dit, est égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères des brigands. Vous avez vu ça, frère? Est égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères des brigands. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. J'ai dit qu'il y avait des ténèbres partout. Ils se manifestaient. Ils étaient sur les toits des chrétiens pour aller. Peut-être c'était dans le sommeil. C'est parce qu'ils savaient signifier par rapport à ces ténèbres-là. Mais peut-être c'était les puissances qu'ils ont envahies. Mais ce qu'ils remarquaient, c'est que les maisons, dans mon esprit, là, dans cette vision, c'est que les maisons sur lesquelles ils sont tombés sont les maisons des chrétiens. Donc si vous voulez dormir en cette époque-ci, Satan va vous aider à dormir. C'est l'heure de nous réveiller. Le prophète Asaph dit ici que est égard à l'alliance. Ça dit que souviens-toi des alliances, de l'alliance. Il dit, est égard à l'alliance. Dans le psaume 50, il dit que rassemblez avec moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Il dit, est égard à l'alliance. Seigneur, souviens-toi de l'alliance, son alliance que tu as quittée avec son peuple. Parce que si tu ne te souviens pas de cette alliance-ci, les lieux sombres du pays, les lieux sombres, un lieu est sombre lorsqu'il n'est pas éclairé. Ces lieux-là sont pleins de repères des brigands. Là où il n'y a pas l'évangile, Satan règne. Seigneur, viens rapidement. Viens rapidement. Souviens-toi de ton alliance. Sinon, nous sommes finis. Amen. On va donc prier pour chaque chrétien dans le monde entier. Nos frères, souvenez-vous dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10 suivant, la Bible déclare que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Donc, ce que nous subissons dans la pression, les frères subissent la même chose. Vous avez suivi les questions de ces frères-là, et frère Hilaire d'Abidjan. Vous avez vu que les questions qu'ils posent, le diagnostic qu'ils posent aux gens qui sont au milieu d'eux, c'est les mêmes choses que nous vivons ici. C'est les mêmes esprits. Donc, nous allons prier et demander au Seigneur que le Seigneur se souvienne de l'alliance du sang qu'il a versé à la croix pour nous. D'accord? Que ce sang-là parle en faveur de l'Église. D'accord, frère? On peut prier comme ça. N'est-ce pas? Prions donc. Et que Dieu vous bénisse.